Salut les smarts et salut les marques et bienvenue sur Catch Up, votre podcast qui transpire le catch. Je suis l'amiral Ambar et je suis accompagné de Ringside. Comment ça va Ringside? Ça va bien, salut les amis. Ah bah cool. Forme. Ouais, alors on est là pour parler de quoi? On est là pour parler de ce gros week-end de catch, hein, NXT TakeOver New Orleans et WrestleMania. Si vous avez suivi, on a une partie de l'équipe, hein, donc Hank, IRM et Giscal qui étaient là-bas, qui ont fait tous les jours des petites vidéos sur les shows qui sont allés voir, que ce soit ceux-là, que ce soit d'autres aussi, des indies. Allez voir, c'est super sympa et intéressant de voir leur point de vue de l'intérieur, notamment pour TakeOver WrestleMania, hein, comment ça se vit lorsqu'on est part du public. Est-ce qu'ils ont joué au beach ball comme des gros connards ou pas? Ben, il faut écouter leur résumé pour savoir. Dans tous les cas, ben voilà, Ringside et moi, on est restés de l'autre côté d'Atlantique, hein, sur notre canapé, à regarder la télé. Eh ben voilà, ben, on va vous donner, nous, notre vision, comment on a vécu en tant que spectateur de notre canapé en direct, du coup, de TakeOver et de WrestleMania, parce qu'il n'y a pas de raison, nous aussi, on a un avis, même si on n'est pas à la Nouvelle-Orléans. Bordel. Et qu'on passe pas sur le network comme certains chroniqueurs que je ne nommerai pas. Ne spoil pas le finish de WrestleMania. Donc, on va commencer. On va pas, vu qu'on fait une vidéo en deux en un, on va pas passer des plombes à vous décrire les trucs fantastiques des matchs. Hein, même si, non. Quand généralement on dit ça, on dépasse des plombes, mais on va essayer de faire assez condensé. Plus de 3 heures de direct. Ouais. Surtout qu'on enchaîne après sur le Raw After Mania. Hein, si vous avez votre après-midi à passer à nous écouter parler, vous pouvez. Voilà. Lancer le ménage, c'est parti, on va vous distraire. Ah ouais, on va vous tenir compagnie, ça c'est clair. Donc, on va commencer par NXT TakeOver, hein, puisque c'est le samedi à Nouvelle-Orléans, évidemment. Donc, on commence avec un petit concert de rock. Hein, donc, Kenny qui joue Lord of Lies, l'hymne de ce TakeOver. Donc, l'affiche est donnée, on est ici sur du métal, on va pas écouter de l'hymne américain chanté par deux nanas d'American Idol comme WrestleMania. Ici, c'est trash et métal. Et ça nous plaît bien, en tout cas, moi, ça me plaît bien. Et on commence fort, hein. TakeOver c'est toujours 5 matchs, généralement des matchs haute volée. Et là on commence pour ce match très attendu, puisqu'il met en place une nouvelle ceinture, hein, la ceinture nord-américaine. Donc un ladder match avec 6 hommes. D'un côté on a les deux Golgoth, Killian Dane, hein, la bête de Belfast, et Lars Sullivan, la créature de Kirby qui est venue à la vie. On a aussi deux chouchous du public, The Velveteen Dream et Adam Cole Baby, et aussi ben, du coup les deux récemment arrivés, EC3, The Top 1%, et le seul et unique Ricochet. Alors déjà avant de parler du match et du résultat, juste comme ça, cette affiche, ce match, les 6 là, c'est un truc de fou quoi. Tu regardes les 6 mecs, tu te dis tous pourraient être en first contender pour la ceinture suprême éventuellement NXT, il n'y aurait pas de problème quoi, c'est... Je sais pas ce que on a l'avenir de la WWE là, je pense, ouais. Hein, sous nos yeux dans ce premier match. Ils veulent le démontrer par la suite, mais on a déjà des grosses stars du circuit indépendant, aussi grosses que peut être une star du circuit indépendant. EC3, il a une très belle carrière, par exemple à la TNA, Impact Wrestling, etc. Ricochet, c'était un des plus gros noms du circuit indie, peut-être le meilleur high flyer du monde en compétition avec Will Ospreay. Et derrière, même Killian Dane, c'est aussi un gros nom, gros nom du circuit anglais. Hein, c'était un des patrons du terrain en Angleterre. Et puis, Adam Cole, on présente plus trois fois champion de la Ring of Honor, aussi un des plus gros main eventers du circuit indé. Reste à côté de ça, Lars Sullivan, qui est juste un monstre de foire, quoi, hein, effectivement, un dessin de Jack Kirby mis en image. Ça, on voit bien qu'il y a quelque chose à faire avec ce mec-là. Donc là, clairement, on est à NXT, l'avenir est là, on l'a sous les yeux, et c'est très rassurant, hein, pour l'avenir. Ah, c'est clair. En tout cas, mettre les 6 là, dans un seul match, ça te montre à quel point la carte de NXT, du roster de NXT chez les hommes, bien sûr, pour un TakeOver, hein, où il y a légèrement 5 matchs, elle est blindée de talent. Donc, on lit, hein, souvent NXT des gens qui regrettent de voir des talents partir sur le main roster. Et c'est normal parce qu'on se dit qu'est-ce qui, comment ils vont être traités là-bas, etc. On sait pas trop. Ils sont bien ici, laissez-les. On flippe, on a les miquettes. Ah, on a les miquettes, mais dans tous les cas, chose est sûre, c'est qu'on n'a pas, à se poser trop de questions et de soucis sur ben, s'il y a des bons qui partent, qui sait qui va être là pour tenir en fait la maison. Il y a du monde, ça c'est clair. Donc, ça c'est très, très, très, très cool. Donc, le match, un match par FCL à 6, forcément, c'est du gros bordel. Hein. On voit des moments où chacun va avoir son instant de gloire, hein, que ce soit Lars Sullivan qui met l'échelle autour de sa tête et qui fait le ménage, que ce soit Ricochet qui va voltiger dans tous les sens. Hein. Voilà, pour ceux qui n'avaient jamais vu Ricochet en action, bah, c'est un très très bon match hein, pour le faire commencer celui-ci, parce que c'est juste parfait comme stipulation pour un flyer comme lui, pour montrer à quel point il peut faire des trucs de dingue. Ici, Free et Adam Cole ont bien joué les heels qui vont, des débuts du match ou plus tard, être dans le coin tranquillement, en dehors du ring et éviter les coups. Et ici, Free aura eu effectivement quelques petits moments, il montra sa puissance, comme Kylian Dane. Bref, un match assez, assez disputé. Et comme souvent, hein, c'est forcément une opportunité qui se crée pour quelqu'un à un moment donné où les adversaires sont tous KO et sont tous complètement dévastés, et lui il est un peu plus en forme et il arrive et il monte à cette échelle et il va la caresser, la prendre. On aura vu Velveteen Dream qui à un moment donné touche la ceinture en premier et fait popper le public, un truc de dingue, mais ce n'est pas lui hein, qui la récupérera, c'est bien le chef de l'Undisputed Era qui va choquer le système. Adam Cole baby devient le premier champion nord-américain dans un match tonitruant et ultra dynamique pour le départ. Je pose la question pour la forme, parce que je suis quasiment sûr de la réponse, mais est-ce que tu as kiffé ce match, mon bon Ringside ? Pas qu'un peu. Je suis pas loin de penser que c'est peut-être le meilleur match du week-end au final. Alors, ils ont commencé très très très fort. Effectivement, que du talent. Et ben, j'avais même oublié Velveteen Dream dans l'histoire, qui a été magnifique. Hein. Il a fait descendre du coup de la duo de... Du haut de l'échelle, c'était incroyable. Il en a enchaîné 3 ou 4, je crois, de Torpedo Remaker. Ils se sont tous pris des bumps de fou. Il a 22 ans, hein, je rappelle, juste titre, ce gars-là a 22 ans, c'est incroyable. Velveteen Dream, il y a quand même un sacré potentiel avec celui-là. Hein. Il a un gimmick qui fonctionne vachement bien. Ouais. Ça sacré high flyer, quelque part, malgré son gabarit qui est quand même assez imposant. Hein. Il est bien plus grand que le reste. Ouais, les pay-per-view. Il avait son collant en fait, hein, son collant pantalon qui était customisé pour l'occasion avec toujours des peintures un peu à l'aérographe. On se rappelle de son premier quand il avait affronté Lister Black. Et bien là, il avait sa tête avec ses deux ronds lunettes noires et son troisième, hein, qui est un peu ses lunettes symboliques, au milieu. Et sur tout le pantalon, il avait des dessins de ses autres adversaires du soir en petites poupées vaudou avec des épingles plantées dessus. Bref, c'est un détail, mais vu son gimmick, je trouve super important que son style. Visuel comme ça soit aussi léché et recherché, parce que ça rend le tout cohérent finalement, ça fait vraiment un personnage qui est crédible. Ouais, il a pas peur d'en faire trop, mais en plus c'est dans le détail, donc il a vraiment tout compris, je pense, au business. Il y a vraiment encore une fois, je vais le répéter, mais il y a vraiment de l'avenir avec lui. Il a été impérial hein, dans le match. Ils ont tous été très bons. Alors ici Free, j'ai l'impression qu'il en fait venir pour surtout prendre des bumps. Il a enchaîné des grosses séquences où c'est un bon bizutage hein, du coup, parce qu'il a dû bien souffrir à travers toutes les échelles. Je crois qu'il était aussi un peu. Alors je me demande, hein, c'est moi qui se rappelle, mais s'il était pas un peu overwhelmed par la situation et l'émotion, du moins un peu pas dépassé, mais genre transi d'excitation et à la fois un peu de trac et de stress, parce que c'est quand la dernière fois qu'il a catché devant une foule comme celle-ci, parce que il a été champion poids lourd du monde à la TNA, et la TNA n'a jamais un public comme celui de TakeOver New Orleans. Non, jamais. Alors que tous les autres ont déjà fait soit du TakeOver, soit de la New Japan, bref, ils ont déjà catché dans les années très récentes sur un public aussi vaste que celui-ci, alors que ici Free, pas tellement. Donc on sentait quand il arrivait, il tremblait d'anticipation, d'excitation, mais peut-être qu'aussi, c'était une sorte de bizutage, un grand saut dans le grand bain, hein, comme on dit. C'est chaud hein, quand même de recommencer, parce que bon, il était déjà à NXT à une époque, c'est une sacrée revanche pour lui, parce qu'il revient par la grande porte là. C'était un des meilleurs trucs de la TNA, hein, sur les années très moribondes de la TNA là, qui sont passées, c'était vraiment ce qui se faisait de mieux, hein, EC3. Il est très très bon au micro, il est solide dans le ring, il a un physique quand même qui est un peu hors du commun. Il a des bouts de muscles partout sur le corps, sur le dos. Il commence dans le dodo comme ça là, quand il se retourne, c'est... Voilà, alors je suis pas sûr qu'il avait vraiment besoin de repasser par NXT, mais ça fait le plaisir de le voir là. Je pense même pour lui, c'est peut-être une revanche quoi. Ouais, Peut-être, hein. Je sais pas, hein. Ça c'est moi qui imagine qu'il sera Paul et qui s'imagine un joli scénar, tu vois, un peu à Drew McIntyre, mais c'est sauf que là, ça. lui, il s'est fait jeter d'NXT, quoi. C'est même pas de SmackDown ou Raw qui s'est fait jeter et revient par NXT, non, il s'est fait jeter d'NXT, donc du coup, il revient pour transformer ça me semble pas mal. Hein. Ouais. Et donc, le résultat, Adam Cole. Adam Cole, bah, c'était assez prévisible, j'ai envie de dire. Je sais Il y a pas. du. On sent qu'ils ont envie de faire quelque chose de Adam Cole à Ah NXT, bah, ça va être un pilier ils ont dans les mois intérêt. qui viennent. Ils Non, ont ils ont intérêt. intérêt, de toute Il est façon, il y juste a tout à gagner avec il est Adam Cole. génial. Génial. C'est pas le mec qui a le style de catch le plus fantastique, fulgurant. Il n'a pas le physique non plus. Mais il a un espèce de all package. Il a l'air Ouais. sympa. Il a du charisme. Il a un joli sourire. Il est cool, Il a l'air il est connard. Il a cool. l'air cool. T'as envie d'aller boire des bières avec lui. Et C'est ça. Quand il passe la troisième dans un match, il est très très très rapide. Il est très bon au micro aussi. Moi, je sais pas. Adam Cole, moi à la base, je m'étais dit qu'il n'allait pas gagner ce match puisque du coup, il y a plus tard dans le show ses collègues hein, qui défendent les ceintures par équipe. Mais il y a Bobby Fish qui est blessé. Donc je me suis dit, ah. Comme je vois pas l'Undisputed Era perdre des ceintures par équipe, je vois pas Adam Cole gagner ça parce que ça serait amoindrir cette ceinture qui a besoin d'une bonne exposition. Mais comme on le verra, les voies du booking parfois sont impénétrables. Bah, j'ai bien senti venir l'avènement un peu de l'Undisputed Ouais. Era parce qu'ils sont quand même arrivés en grande pompe et ils n'avaient pas encore eu de grosses victoires hormis les ceintures tag team. Adam Cole, lui, il n'avait jamais eu encore de grosses victoires pour marquer le coup. Je pense que c'était le moment effectivement de Oui. concrétiser le truc, de capitaliser un peu sur un winner, sur un mec qui fonctionne. Ça, c'est très intelligent. Hein, ça, c'est NXT. On n'est pas dans le main roster. Quand on voit qu'il y a un mec qui fonctionne, bah tiens, bah on va mettre nos billes un peu dessus pour voir ce que ça donne. Allez, Oh, ça fonctionne! C'est dingue! Les gens sont ça paraît un peu dingue, mais on va mettre la ceinture sur ce mec-là. Bon, voilà. Voilà. Le public Pour le coup, soyons l'aime, fous. mais bon, allons-y, quoi. Ouais. Non, c'est sûr que c'est bien en Soulignons. plus. Ouais, vas-y, Ouais, ouais. vas-y. Soulignons, je t'en prie. Souligne Soulignons donc. aussi Killian Dane qui a été Ouais. Impérial MVP du match, hein, j'ai envie de dire. Il a Bah, pris comme à des War Games, dots de hein. malade. À War Games, moi, il m'avait Ouais, complètement déjà, hein, à l'époque. halluciné, Killian Dane, par rapport à Alors, le c'est un ratio poids-dynamisme. sacré catcheur. Lui, Ouais. à mon avis, ça va être un pilier de la WWE pendant un bon moment. Le mec sûr que tu mets dans un match, t'es sûr d'avoir un bon match avec ce gars-là. Un peu à la manière d'un Cesaro ou d'un Rusev. C'est un mec très très très solide. Il a été spectaculaire, franchement, parfait. En plus, il a un physique qui est incroyable. Ils peuvent aussi le faire changer de gimmick, je pense, assez facilement, assez malléable. Non, non, franchement, excellent, excellent boulot. Et j'ai été aussi enfin convaincu par Lars Sullivan qui me laissait un Oui. petit peu de marbre jusqu'ici. Mais là, il a fait le boulot. Oui, Il a il été lui manque encore impressionnant. quelques matchs référence à Sullivan pour vraiment s'installer. Sûr. Non, mais ça Mais va être difficile parce qu'il est, il est pas, c'est pas un mec très très fluide dans le ring ou non, c'est voilà, pas tu ce sens pas. style-là. C'est plus un style à la Kane en termes Voilà. de catch, quoi, hein, clairement, en termes Ouais, de voilà. rythme. Mais même au micro, il est particulièrement bon Il est bon micro. pour sa taille. Il est très bon. Ça c'est. Puis il y a un package autour de son entrée avec son halo, etc., qui est plutôt pas mal, je crois. Alors du coup, Adam Cole qui gagne la ceinture nord-américaine, est-ce que c'est pas, est-ce que c'est une connerie de se dire, ça nous rappelle le moment où Kenny Omega a gagné la ceinture US à la New Japan, quelqu'un qui pourrait être dans la top ceinture, mais on le met pas encore et en même temps, faut qu'on lui donne une ceinture tout de même parce qu'il est trop over, trop important. Moi, je sais pas, Ouais. j'ai forcément pensé à ça parce que bah, Bullet Club évidemment et moi, je suis content de voir qu'ils vont à fond sur la carte Undisputed Era parce que c'est la faction aujourd'hui à la WWE, hein, Main Roster ou NXT, qui a le plus la gueule d'une faction, quoi, d'une vraie faction Ouais. finalement. Et Et on ouais, verra encore plus effectivement, tout ouais. à l'heure. Je te rejoins. J'ai l'impression qu'ils vont peut-être pas le faire monter tout de suite que Adam Cole, que ça va être le Ah pilier non. d'NXT. Ouais. D'ailleurs, toute la petite bande de Undisputed Era. Parce que c'est sûr que ça risque d'être délicat pour eux le passage au main roster, du fait de leur gabarit, simplement du fait de leur gabarit. Mais tant qu'ils seront à NXT, il y a moyen d'amener NXT vers un level encore supérieur. Et je pense que effectivement, c'est très intelligent de lui mettre faire un peu une ceinture sur mesure pour lui. Ouais, ça va être de très très bon boss de fin de niveau, l'Undisputed Era, en tout cas, ça c'est clair. On Totalement. avance avec un match forcément moins explosif, parce que ça commençait très fort, hein. C'est-à-dire que les gens, juste pour finir sur ce match à l'échelle, la cloche sonne, le public est déjà en train de crier This is awesome, quoi. Rien qu'avec Oui, le match n'a les pas stars, rien commencé. qu'avec les stars qui sont dedans, donc voilà. Bon, Ricochet aussi a été excellent. Hein. Ah N'oublions pas oui, Ricochet, ah non. qui est Non, non. Qui a commencé le match, premier move, je crois qu'il a fait un shooting star press, oui, c'est ça. Springboard, oh, ouais. Voilà, histoire de dire, bon, vous voyez qui je suis. C'est ça. C'est ligne incroyable. Salut, c'est moi. Voilà, gros avenir aussi. Ah oui. Pour cher. Non, non, puis il est incroyable à voir. Donc, difficile de suivre hein, avec, après cette hype et cette victoire, où même si c'est un heel et Adam Cole, ben, le public était à fond derrière lui. Et c'était la lourde tâche d'enchaîner par cette dame. Donc, Ember Moon contre Shayna Baszler Round 2, hein, la revanche de Baszler qui avait perdu face à Ember Moon lors du premier title shot au dernier takeover. Et donc là, c'est un match légèrement différent qu'on va voir, puisqu'Ember Moon va prendre quelques techniques de Baszler et elle aussi. Casser son bras en le mettant comme ça dans le ring et puis avec le pied comme fait Shayna Baszler à tout le monde. C'est l'arroseur arrosé. Exactement. Shayna Baszler qui montrera un peu aussi de combativité avec en jouant le coup de l'épaule déboîté qui va se la taper plusieurs fois, 3-4 fois contre le poteau du ring pour se la mettre en place. Hein. Donc il montre un côté heel, certes, mais heel courageux qui va pas céder à la blessure et à l'abandon. Et elle a bien raison, puisque c'est après avec une TKO, hein, donc Ember Moon qui s'évanouit au sein d'une prise de soumission Shayna Baszler, donc l'arbitre qui arrête le match, et donc nouvelle championne Shayna Baszler. On voit bien sûr Ronda Rousey et une autre horsewoman de l'UFC, là, Jessamine Duke, qui sont ringside et qui pop aussi. Donc voilà, pour ce match, Ember Moon perd la ceinture. Ce match était un peu différent, j'ai trouvé mieux que le précédent entre les deux, mais moi, j'ai pas été convaincu non plus parce que le style de Baszler peut apporter dans le ring en termes de divertissement. Quel est ton point de vue là-dessus, mon bon ringside? C'est vrai qu'elle a un catch original, Baszler. C'est vraiment différent. On est beaucoup plus proche du shoot wrestling. Donc, c'est pas forcément le catch le plus effectivement divertissant qu'on peut avoir. Maintenant, elle a son personnage. Elle a un bon acting. Elle est crédible, je trouve, quand elle place ses prises. C'est un monstre. Ça m'intéresse quand même de voir ce qu'ils vont faire avec elle. Elle est vraiment bien bookée. Le match, il a été fait intelligemment. À NXT ça peut fonctionner, je pense. Maintenant c'est sûr que on va pas être dans le même type de match qu'on a eu jusqu'ici dans la division féminine avec des Asuka, des Sasha Banks, des Bayley qui nous ont toujours sorti du grand spectacle. Ça risque d'être plus psychologique sur les matchs de Baszler, plus scénarisé. Maintenant je doute pas qu'elle va progresser et je pense qu'il y a quand même un certain potentiel avec elle. Oui, c'est clair que elle a une gueule qui est assez incroyable, elle fait peur, hein, ça c'est clair. Elle a le côté legit pour backupper ça. Maintenant, ouais, je sais pas. C'est en termes de finalement ce que tu vas raconter dans le ring, est-ce que tu vas se passer dans le ring, est-ce que vraiment ça va être. Le show de wrestling, comme je dis, c'est pas toujours le plus fun. Hein. C'est, si t'accroches pas, t'accroches pas. Hein. Il y a des fédérations qui tournent que autour de ça. C'est pas le truc sur lequel je vais me jeter en premier, moi non plus. Hein. Mais avoir une personne qui pratique ce truc dans un roster, ça peut apporter un petit peu de fraîcheur, entre guillemets. Tout, là, ça va vraiment être le booking qui va jouer, je pense, sur elle. C'est un truc que tu peux facilement te planter, mais ils sont quand même à NXT, ils se plantent rarement. Et je suis quand même assez confiant sur Baszler. Ils se plantent très rarement, mais est-ce que, finalement, avec Ember Moon et dans son règne, Ember Moon, est-ce qu'ils ne sont pas plantés? Est-ce que ce n'est pas la preuve qu'ils peuvent se planter? Parce que, très personnel, hein, c'est très subjectif, ça ne regarde que moi, mais je trouve que Ember Moon, même si j'aime bien l'athlète, la catcheuse, parce que je trouve qu'elle a un style en ring qui, pour le coup, là, est très divertissant et qui marche bien, faute d'avoir un personnage clairement identifié et clairement construit, son règne a été très fade, a été porteuse de ceinture entre deux badass, Asuka et Shayna Baszler. Mais entre, qui se rappellera dans 5 ans du règne d'Ember Moon à NXT, hein? Ouais, ça a été rushé. Hein. On va voir l'explication, mais effectivement, moi je lui aurais pas donné la ceinture sur le dernier match où c'était un Fatal 4-Way parce qu'elle a pas vraiment de prestige à avoir gagné ce match-là. Non. J'ai bien aimé le fait qu'elle ait gagné le premier match contre Shayna Baszler parce que ça lui faisait conquérir une montagne, entre guillemets. Une vraie victoire en one-to-one, voilà, quoi. Vraie victoire, et j'ai pas compris vraiment pourquoi ils ont voulu faire une revanche avec Baszler, mais il y a d'autres projets de prévus, donc c'est rushé. C'est rushé, donc effectivement, le règne, il est un peu fade, c'est dommage, mais voilà, ça je pense que c'est lié à des. Un peu des influences externes, des impératifs externes qui font que. Mais genre, j'ai aucun doute sur, sur l'avenir d'Ember Moon. Hein. Je pense qu'elle pourra rebondir assez facilement, à moins qu'il fasse n'importe quoi là où elle est partie. Mais on verra, on en parlera. Ouais. On en reparlera et on reparle maintenant du coup des ceintures par équipe, hein, parce que c'est le moment du Tag Team Championship qui sont détenus par The Undisputed Era. Comme on le disait, Bobby Fish est blessé, donc c'est Adam Cole qui fait double service ce soir. Hein. D'ailleurs, avant le match, on le voit dans la salle des médecins où Adam Cole, bah, il sort quand même assez éclaté et défoncé de son match à l'échelle. Il a gagné, certes, mais il en peut plus. Il dit, voilà, ça va pas le faire, donc du coup c'est un Kyle O'Reilly pas très joueuse qui va vers le ring, hein. Il commence à faire ce qu'il fait depuis quelques fois, en prenant la ceinture et en faisant le riff de guitare, puis au bout de deux secondes il part perdant, puisque forcément l'attend dans le ring, et eh bien les Authors of Pain, ces deux Golgoths qui veulent leur revanche, et aussi du coup la paire qui win ce Dusty Road Classic, du moins pour l'instant, qui win, donc savoir Roderick Strong et Pete Dunne, le UK Champion. Donc un match à trois équipes, grosse dominance, domination physique des Authors of Pain. Comme convenu, Adam Cole, il va pas faire grand chose parce qu'il jouera le blessé très longtemps dans le match. Kyle O'Reilly essaie de se démener comme un petit diable. Voilà, juste pour dire tiens, fais dodo. Donc Kyle O'Reilly qui fera le beau diable pour essayer de compenser l'absence de son coéquipier, mais bien sûr ça ne suffira pas puisqu'à un moment donné c'est Pete Dunne et Roderick Strong qui sont aux commandes du match après de très jolies séquences, et donc du coup Dunne fait son bitter end sur Kyle O'Reilly. Il y a personne dans le ring, la seule personne qui monte dans le ring c'est Roderick Strong pour veiller à ce que personne vienne casser le tombé. 1, 2. Et non, pas 3, puisque Roderick Strong trahit, mon dieu! Roderick Strong tabasse, met un gros coup à Pete Dunne, lui fait un de ses nombreux backbreakers pour le briser en deux, chope la carcasse à demi-mort de Kyle O'Reilly, la met sur Pete Dunne, l'arbitre est obligé de compter 1, 2, 3, victoire de The Undisputed Era, bien sûr Adam Cole et Kyle O'Reilly, ben là en sont complètement choqués, c'est eux qui sont choqués pour le coup, et Roderick Strong ira prendre le brassard Undisputed Era à Adam Cole et le mettra, rappelez-vous, il y a maintenant deux takeovers à l'époque, juste avant la feud de Wargames, hein, où c'était l'Undisputed Era qui avait proposé ce brassard à Roderick Strong. Il avait hésité, puis il avait refusé, s'érigeant en ennemi. C'est pour ça qu'à l'époque, Roderick Strong avait fait équipe avec les Authors of Pain. Et bien là, ça y est, Roderick Strong, il y en a ras-le-bol. Il veut être dans le camp des winners parce qu'il a eu plein d'opportunités récemment, mais à chaque fois, c'est soldé par des échecs. Donc, du coup, il choisit de rejoindre ses anciens copains de la Ring of Honor. Et on a une image superbe à la fin, hein, où ils sont devant le trophée gigantesque de C-Road. Il y a Kyle O'Reilly qui avait les ceintures, il y a Bobby Fish qui est venu à béquille, il y a Adam Cole avec sa ceinture nord-américaine, et on a Roderick Strong hilar avec un sourire de là à là qui fait effectivement le signe des petits d'era. Bref. La perfection. C'était bien, c'était très bien. Ce moment-là était très cool. C'était super cool, c'est pour ça qu'on regarde du catch pour des moments comme ça. C'était un drame, la blessure de Bobby Fish, et voilà, ils ont rattrapé le coup. Bon, quand j'ai vu débarquer Adam Cole pour faire le match, je me suis douté qu'il y avait Anguille sous roche. Ah, t'avais compris, toi, qu'il y avait... Moi, j'ai pas vu venir la trahison de le heel turn de Strong, je l'ai pas vu venir. Ah, il était temps, de toute façon, Strong, ils avaient plus rien à faire avec lui. Je suis bien d'accord, mais bon, monsieur, mais voilà. Surtout qu'à ce moment-là, clairement, tu te dis, bah, s'il fait rien, lui et Pete Dunne, ils gagnent les titres. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pas super malin, mais non, c'est pas grave. C'était cool. C'est pas grave. Ah, il faut qu'on ait ce clan qui soit là. Voilà. Ça va peut-être l'amener jusqu'à un championnat NXT. Pourquoi pas Roderick Strong. Ouais. Oui. De toute façon, il veut partir encore à la poursuite de la ceinture UK. Donc. Ouais. Soulignons la qualité impeccable du match. Hein. C'était encore une fois exceptionnellement cool. Hein. Pain, toujours à niveau, toujours incroyable de puissance, là, de sauvagerie. Roderick Strong, Pete Dunne, c'est quand même deux des plus grands talents du monde, hein, je pense. Kyle O'Reilly, c'est pareil, hein, c'est aussi un ancien champion de la Ring of Honor, hein, donc c'est un mec qui s'est catché un striker incroyable, un peu dans la veine d'un Daniel Bryan. Vraiment très très très bon. C'était la perfection, je pense, en fait, ce match-là, hein, quelque part. Du spectacle dans tous les sens, des tables qui se sont explosées, des bumps de ouf, et puis cette trahison là, parfaitement exécutée. Voilà, c'était génialissime. Écoute, est-ce qu'on... fabuleux. Est-ce que je sais pas, t'as vu des défauts là-dedans? J'en ai pas vu, hein. Non, bah non, c'était super, super divertissement, super divertissant. Tu te posais la question. Moi, je voyais pas effectivement les Indisputidera perdre. Donc, du coup, je me disais comment ils vont faire, et j'avais pas du tout. Je me suis fait avoir par cette trahison d'Odestron, mais j'adore me faire avoir comme ça. C'est pour ça qu'on regarde du catch aussi, en tout cas moi. Donc, non, c'est très bien, c'est parfait. Et puis surtout, c'est qu'on on voit de suite le changement d'acting de Roderick Strong dès qu'il fait ça. Il y a une surprise qui est bien jouée de la part des deux autres d'Indisputidera. Roderick Strong, à mon nez, là, il est intense. Il se demande dans deux secondes est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas, puis il chope le brassard, il le met, il a le sourire et c'est bon, c'est parti quoi. Donc ça va être génial. D'ici Putidera, NXT, ça va être génial. Ouais, ça va être très compliqué de venir aller chercher là, hein. Il va falloir une sacrée alliance en face pour ça, donc C'est comme ça que tu construis des babyface, hein. On va avoir des nouveaux qui vont arriver, ça va être super. C'est ça. Et du coup, la grande question derrière, c'est ça va être compliqué lorsqu'ils vont les faire débarquer dans Main Roster, hein, les Spitidera, parce que si c'est 4 là, s'il reste qu'à 4, parce qu'ils peuvent encore engranger du monde, hein. Ouais, on peut lancer un truc façon Bullet Club, hein, tant qu'on y est. Hein. Si on va par là, potentiel, hein. Un Easy Free, je le verrais, pourquoi pas, rejoindre les Spitidera, il serait complètement compatible, hein. On se met à 5 et on fait la loi, ça va bien. Ce serait super. Ce serait super. Bref, on verra bien, mais en tout cas, c'est assez excitant pour la suite. Le match suivant, lui aussi, est excitant, hein, puisque c'est le match pour la ceinture ultime NXT Championship, donc, qui est détenu actuellement par le champion El Idolo Andrade Cien Almas, avec sa manageuse de charme et de choc, Zelina Vega, et contre, bien sûr, le maître du Black Mass, Aleister Black. Donc, un match attendu comme étant... comme étant un match avec deux super workers dans le ring et qui en plus ont chacun un personnage, même si Almas a un déficit de par le fait qu'il parle pas anglais, ils ont eu le bon ton depuis quelques mois de lui ajouter cette manageuse qui en plus, comme on l'a vu ce soir, n'hésite pas à intervenir dans le ring en faisant des obstructions, en des diversions, mais aussi en faisant des prises. Hein. Donc ça, c'est toujours super rigolo de voir cette petite Zelina Vega faire ça sur le géant hollandais qui est Aleister Black. Donc voilà, elle sera intervenue 4-5 fois. Almas aura fait pleuvoir tout son arsenal percutant, comme il nous a démontré encore pour ceux qui luttaient, qu'il peut être très très très très bon dans le ring, ultra solide. Quoi. Enfin, il a un sens du timing, Almas, moi, qui me fout droit. Mais bien sûr, l'histoire a été déjà presque annoncée d'avance, mais c'était quand même un très bon moment à voir cette histoire se dérouler. C'est bel et bien Aleister Black qui a la ceinture à la fin du match, avec son couronnement, hein, lui qui n'a jamais été battu pour l'instant à NXT en 1-to-1, il faut le rappeler. Ouais. Alors moi, c'est l'inverse, je ne voyais pas venir la victoire d'Aleister Black pour le coup. Moi, si. On n'a pas du tout la même lecture des événements. c'était tellement net pour moi que... Mais c'est très bien, parce que c'est encore une fois, c'est comme ça qu'on crée des top babyface. Il faut que les mecs gagnent, il ne faut pas que les mecs échouent sur la dernière marche. Et c'était une victoire magnifique. Le match était effectivement très intense. Les deux ont sorti le grand jeu chacun de leur côté. C'est du charisme qui transpirait des deux côtés. Les interventions de Zelina Vega, c'était la perfection aussi, là, quand il fait ses hurricanes rana, que Aleister Black se plante la tête dans le truc. C'est à cause d'elle que Cien Almas perd le match, donc il est quand même légèrement protégé encore dans cette défaite, mais ça n'enlève rien à la victoire. Il a quand même triché 5 ou 6 fois dans le match, mais ouais, c'est vrai, mais bon, tricher au catch, c'est normal quand on est un méchant, sinon on sait qu'on est un gentil. Oui, parce que le spot de fin, c'est Zelina Vega qui monte sur le poteau, elle va pour sauter faire un crossbody sur Aleister Black, mais Aleister Black esquive, et donc du coup c'est Almas qui se retrouve avec Zelina Vega dans les bras à ce moment là Aleister Black, il lui faut 2 secondes, boum, Black Mass dans la gueule de Almas, et c'est plié, nouveau champion NXT. Et grosse pop, super populaire Aleister Black, tout le monde est content, le bonheur après un match incroyable, hein. C'est ce qu'on peut trouver de mieux sur la planète catch, hein, un match comme ça, hein. Moi j'espère qu'il y aura un rematch, parce qu'ils n'ont pas toujours aussi des rematchs, mais là j'espère vraiment qu'ils vont y aller, quoi. Ouais, faut pas hésiter à nous proposer un truc ça, parce que c'est des mecs qui ont compris ce que c'était que le catch, qui ont compris ce qu'on a envie de voir. Il y a du work rate top du top, Voilà, encore une fois, rien à dire sur ce match-là. Hein. On enchaîne les petites pépites là dans ce, ouais, dans ce Next Takeover. Ça fait pas le main event alors qu'on est sur la ceinture de championnat. Et non. Mais quand on va voir la suite, on sait pourquoi. Même ça. Si c'était un match magnifique, il y a encore des choses à voir. Et oui, deux personnes, deux autres mecs hein, qui eux aussi compris comment ça marchait le catch fabuleux. C'est ben Tommaso Ciampa et Johnny Gargano. Hein, donc c'est le point culminant de cette rivalité ultra personnelle. Hein, donc comme tu l'as dit, elle n'a pas de ceinture, mais elle est suffisamment captivante et présente dans la storyline d'NXT depuis tant de temps qu'elle mérite d'avoir leur main event. Donc là, c'est un match non sanctionné, hein, ce qui veut dire que chacun a signé une clause comme quoi il ne tient aucunement responsable à WWE de quoi qu'il se passe, puisque Johnny Gargano, lui, jusqu'à présent, était licencié d'NXT. Donc là, l'enjeu, c'est ça. S'il gagne ce soir Gargano, eh bien, il revient à NXT. Et pour Tommaso Ciampa, bah, c'est l'opportunité d'enfoncer le clou et de débarrasser complètement de sa vie Gargano. Ciampa arrive sans musique, ça m'a surpris, mais en fait c'est pas grave puisque la foule s'est chargée de lui faire une musique à base de Fuck You Ciampa dès qu'il est arrivé, hein, repris par X milliers de personnes, c'est plutôt pas mal. Et d'habitude ça marche jamais ça, quand ils font débarquer un mec sans musique, généralement ça plombe toujours les trucs. Ouais. Là c'est la première fois que je vois que ça fonctionne comme ça. Et du feu de Dieu, hein, parce qu'il s'est fait pourrir par le public comme c'est pas permis. Tout le temps. Et ça marche tellement bien qu'ils ont pris le temps de monter ça. Depuis 3 semaines à NXT, il vient le mec, il dit quasiment rien dans le ring, il laisse la place au public de se faire copieusement huer. C'est très bien, mais c'est très maîtrisé. Ce qu'ils font là est très maîtrisé. Ouais. Ils ont pris la vague au bon moment. Enfin, là-dessus, c'est bien géré, comme toute cette storyline et comme tout bah, ce ouais, match ouais. aussi. Hein, le match, ça rimerait à rien que je vous raconte des spots, des moments, parce que il faut voir que c'est tellement une rivalité personnelle de ces deux qu'il y a une intensité qui se développe tout le long du match. Et donc, si on prend chaque spot, peut-être qu'il ne serait pas aussi merveilleux que quand on le regarde dans le match. Donc, vraiment, regardez. Bon, Takeover, de toute façon, regardez-le, c'est un super show. Mais si vous regardez un match, celui-ci, est vraiment vraiment vraiment fabuleux. À la fin, j'ai juste donc pour le spot de fin où les deux sont assis épuisés blessés après un match qui a duré je sais pas 40-45 minutes, j'en sais rien, mais un truc qui m'a paru très long, très fatigant même pour le spectateur. Les deux sont assis, se regardent un petit peu comme à l'image de ce qu'ils avaient fait lors du Cruiserweight classique hein, qui avait été un moment assez charnier pour eux. On sent que Gargano a l'avantage, qu'il peut appuyer sur la détente entre guillemets métaphorique et mettre fin au match et gagner contre Ciampa qui a l'air un peu misérable. Il a l'œil qui gonfle de seconde en seconde tellement qu'il s'est pris des coups. Il a vraiment un coquard assez énorme. Gargano hésite et puis Ciampa essaie finalement de le flouer, mais Gargano ne se laisse pas avoir. Renverse ça, fait une sorte de Gargano Escape, puis de STF avec l'attelle de genou de Ciampa. Et bien du coup, Ciampa, dans cette image très violente, hein, du coup, abandonne. Et donc, Johnny Gargano peut célébrer sa victoire et son retour dans le roster de NXT avec Candice LeRae, sa femme. Match juste... Je crois qu'on dit Candice LeRae. Candice LeRae. Moi, je dis Candice LeRae. Ouais, j'ai tendance à le dire aussi, mais bon, après on se fait engueuler par Hank. Alors, c'est pas grave, il est pas là. Voilà, encore une fois, la perfection, hein, ce match-là. Ils avaient déjà fait des merveilles, hein, effectivement, au Cruiserweight classique, hein, c'était un des matchs de l'année, leur affrontement. On savait qu'ils avaient un potentiel de fou, et ça a été encore une fois scénarisé à la perfection. Ciampa, le méchant parfait. Ouais. Ah ouais. Johnny Wrestling, le héros parfait. Et l'histoire, voilà c'est ça. Hein, même le WWE avait fait un tweet avec l'image donc, de Gargano levant les bras avec sa femme Candice. Il est marqué battre ton rival, ton ami devenu rival, check. Récupérer ton boulot, check. Célébrer, check. Et c'est ça, quoi. C'est comment tu peux plus envoyer un public content chez eux à la fin d'un gros pay-per-view que comme ça. C'est la fin de pay-per-view, quoi. Exactement. Après, tu sors, tu vas fêter tout ça, la victoire de ton pote Johnny Wrestling, et puis et c'est Ciampa qui a bouffé un peu la revanche dans ses dents, le karma. Puis c'était exécuté à la perfection, c'était du grand spectacle. Peut-être des gens ont trouvé ça un petit peu long, mais franchement, on va pas bouder notre plaisir. Hein. C'était assez merveilleux, quoi. Et du coup, moi, c'est De takeover en takeover, de savoir que bon, c'est Triple H, mais pas que lui, hein, qui gère ça, qui book ça, tu te dis, bon, bah, vraiment, je pense qu'on est de plus en plus dans le monde du catch, peut-être des smarts, hein, faut dire ce qui est, mais je pense aussi des gens qui aiment le bon catch, à se dire vivement qu'ils reprennent vraiment les rênes de tout, parce que s'ils nous font la même chose avec les moyens en termes de pognon et avec le roster bah, de Raw et SmackDown. À 205 Live, on voit déjà la différence. Ouais, et je ne serais pas contre qu'on lui donne un petit peu SmackDown pour voir, pour tester comme ça 6 mois. Et puis, si c'est pas bien, on peut toujours faire machine arrière. Mais oui. Testons. Hein, parce que là, c'est vraiment voilà, c'est ce qu'on a envie de voir. Il manque peut-être un petit côté familial, peut-être pour les enfants. Il n'y a pas beaucoup d'enfants dans le public. C'est pas familial, hein, c'est sûr. Ça, on est d'accord. Mais est-ce que les enfants de nos jours ils peuvent pas se permettre de regarder des trucs ça va, on va pas non plus dans le truc super hardcore dans les trucs un peu de la CZW, de l'ICW original avec des barbelés, du sang partout. Finalement c'était moins sanglant que WrestleMania quelque part. C'est vrai. Mais donc voilà, pour moi c'est ce qu'il faut faire. Je l'avais déjà dit au dernier takeover, mais pour moi NXT c'est actuellement la meilleure fédération de catch du monde. Hein. Je mets même ça au-dessus de la New Japan ou quoi que ce soit. On est les takeovers c'est toujours Ichiban. Parfait. J'ai jamais vu un mauvais takeover. Il y a rarement de mauvais matchs dans les takeovers même. C'est pour ça, l'instant, c'est du tout bon. Hein. Si on fait la moyenne des notes qu'on donne aux takeovers, on doit être pas loin du 5. Hein. Moi, j'ai déjà donné 2-5 à les takeovers. Celui-ci sera un 3ème 5. Oui, bah je oui. Pense que toi aussi. Soyons fous. Voilà. Voilà à un moment donné, il faut pas chercher des défauts là où il y en a pas. Hein. Ouais. Quand c'est juste parfait, c'est juste parfait. C'est et on va savourer. On espère que ça va durer comme ça longtemps. Comme nous dit Richard dans le chat, hein, salut Richard Rizzo dans le chat, il y avait même Sacha Banks à takeover, effectivement, on pouvait la voir. Il y avait Sacha Banks et Bayley à un moment donné qui regardaient le match, je ne sais plus lequel, et on n'a pas fait un gros plan dessus. Shane McMahon aussi, Tellement c'est bien que même les superstars viennent regarder takeover en ringside, quoi, parce que c'est cool. C'est ça. elles ont raison, moi je ferais pareil à leur place. Ah bah carrément, hein, tu te fais pas chier, hein, tu viens, tu es au premier rang, tu passes une très très bonne soirée. Hein. Tu m'étonnes. Bref, voilà, c'était pour notre petit review de Takeover. Et donc là, on enchaîne sur le granddaddy of them all, WrestleMania. Le gros gâteau sucré, le Big Mac des champions, là. Donc, WrestleMania, hein, le lendemain, je sais plus c'est quoi le nom de l'aréna, en tout cas à la Nouvelle-Orléans, les enfants. Ouais, c'est le Mercedes-Benz Superdome. Ah, oui. Bon. Alors, on va faire le kick-off rapidos, hein. Ouais. Match à 30, la Battle Royale de André le Géant. Cool. Donc, tous ceux qui n'étaient pas dans la carte, hein, les 30, il n'y a pas eu de retour spécial, pas de mec de NXT, rien du tout. C'est Matt Hardy qui remporte le match. Grosso modo, il se retrouve face à Baron Corbin. Et il va être passé par-dessus la troisième corde, mais il est sauvé par une apparition mystique de son rival de toujours, Bray Wyatt, qui attaque Baron Corbin, mais qui se fait quand même sécher par End of Days. Mais ça permet à Matt Hardy de placer Twist of Fate et puis de bazarder Baron Corbin à l'extérieur du ring. Donc victoire de Matt Hardy et consécration d'une petite tag team nouvellement formée, Bray Wyatt. Et le Woken Matt Hardy. 15 minutes 45, ça a duré. J'ai envie de te dire juste un truc, tu me diras si c'était de mon avis. Les 29, allez, on va garder Matt Hardy de côté. Les 29 participants, si on les envoie à la compte à prendre leur chèque et qu'ils disparaissent, je ne suis pas sûr que ça gênerait beaucoup Monday Night Raw. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne suis pas sûr qu'on verrait la différence. Ouais, c'est un peu méchant. C'est un peu méchant, mais effectivement, faut se dire que c'est des gens, pour l'instant, du moins, avec l'écriture qu'ils ont, ça n'a pas marché, quoi. Il y avait zéro star power. Il y a Artruth qui était revenu, ils ont dansé un petit peu avec Goldust. Ça fait rire. Bon, le public était chaud, hein, ça a quand même fait... ça suffit à satisfaire la foule. Les gens étaient contents de voir Matt Hardy gagner, pardon. Ouais. Mais bon, sinon il y a rien de, il y a rien d'exceptionnel à souligner. Ça t'a plu un minimum ou tu t'en bats les couilles? Franchement, je m'en bats. Ouais. Non, c'était. Non, même si Richard a priori a aimé, hein, il nous dit que c'est la deuxième meilleure Battle Royale. Hein, la première, il s'agit de la première édition. Voilà. Donc du coup. Je sais pas si c'est On ou en pas. fait souvent tout un pataquès de ces batailles royales là, mais en fait on s'en fout hein, au final. Ouais, c'est pas vraiment très intéressant, aucune surprise. Je pense que les surprises, les arrivées, les machins, les alliances qui se font, là le seul élément intéressant c'était effectivement le retour de Bray Wyatt et de voir que bah il a pas changé de look, mais par contre Il a il un est. tablier maintenant. Ah ouais? J'avais pas remarqué ça, Ouais, il t'as dit. catch avec un tablier. Il a fait un RAW aussi, je sais pas pourquoi. Et du coup, voilà, qu'il y a cette alliance avec Matt Hardy. Bon, ben. Ok, Voilà. c'est la seule info. Bon. La seule info. Retenons ça. Nouvelle équipe, Matt Hardy, Bray Wyatt. Le championnat des cruisers, après le long tournoi qui nous a fait tant rêver à 205 Live. Donc ça se termine, Cédric Alexander contre Mustapha Ali dans un match plein de respect, plein de dive, plein d'acrobatie. Cédric Alexander aura la victoire avec un Mustapha Ali qui aura été jusqu'au bout, Ouais. qui aura tout donné. Il y a une belle séquence à la fin, façon Ric Flair contre Shawn Michaels. Là. Reste à terre, Ali, reste à terre, je suis au pied de te finir. Bon, ça fonctionne pas trop parce que on s'en fout un petit peu de Cédric Alexander et de Mustapha Ali. Il n'y a pas vraiment de. Il y a pas vraiment d'amour pour ces gens-là, même si on est bien content de les voir quand même. Voilà, moi On j'ai. vous aime pas trop, mais bon, ça nous fait plaisir de vous Bon. voir quand même, quoi. Mais voilà. Voilà, c'est bien que On va vous pas faire un soyez là. fromage non plus. C'est ça. Ouais. Bon, un match propre. Pour moi, en dessous de ce qu'on voit dans les main events de 205 Live, ils auraient pu sortir quelque chose de mieux. Mais bon, ça suffit pour le spectacle, je pense, pour un kick-off. Ouais. Je pense que ça t'intéresse pas trop non plus, hein, toute cette Non, histoire. non, non, non. C'est juste un peu dommage, effectivement, que. Ça, c'est une question de booking général, hein, que les cruisers restent au kick-off. Après, bon, c'est sûr qu'au pré-show, c'est sûr qu'on a une carte tellement blindée de matchs dans tous les sens que c'est compliqué. Mais après, les. Après, tout le public était là. On n'était pas, ils n'étaient pas catchés Bah dans non. une salle vide. Voilà, je pense que dans l'absolu, ils étaient très contents de ce qu'ils ont fait. On voyait bien que le public avait encore un peu de mal à rentrer dedans. Ça intéresse pas les gens, mais ils ont quand même fait le spectacle, honnêtement. Bien sûr, ouais. Mais juste après la polémique qu'il y avait eu l'année dernière du fait qu'ils étaient dans le kick-off, et notamment le départ du King, du Roi Neville, qui tenait Ouais, aussi il y un avait un peu à peu ça. plus de Hein. star power hein, entre Neville et Osinaris et Cédric Alexander et Mustapha Ali, il y a quand même une différence de star power, j'ai envie de dire. C'est Là, clair. ça me paraît été plus judicieux de mettre Ali. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils auraient été faire dans la carte principale, ces deux-là. Ouais. Ça aurait fait un sacré blanc. Enfin, bon, ils auraient pu leur lâcher la bride un petit peu plus parce qu'il y avait moyen de faire quelque chose de plus spectaculaire et de mettre peut-être un peu plus le feu à la foule. C'est ça qui est un peu dommage. En Mais tout bon, cas, c'est le lot des cruisers. ils étaient émus. En tout cas, Alexander était ému, puisque quand Ouais. il gagne, il prend un petit peu Mohamed Ali dans. Mustapha Ali, pardon. Mustapha. Mohamed Ali. Je savais que je le ferais un jour, c'est là-dessus, c'est bon, c'est C'est fait. son fils. Check. Mustapha Ali dans les bras, donc on sentait que pour eux, c'était un moment important. Voilà. Tant mieux. Beau costume de Mustapha Ali hein, qui est Ouais. arrivé avec un truc qui faisait de la lumière là, c'était super. Alors on a Richard qui en mode troll dit le kick-off était meilleur que la carte principale et Guillaume qui nous dit que c'est quand même dommage que Murphy et Kalisto soient meilleurs que Ali et Alexander. Voilà, en C'est référence pas au faux, match. hein. Effectivement, le match Kalisto Buddy Murphy, ça aurait eu sa place tranquillement à WrestleMania. Hein. C'était un match incroyable. Ils ont parié sur Cédric Alexander. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, hein. Ça fait un moment que je dis qu'il n'y a rien à en tirer, mais bon, il fait des pirouettes. C'est un chouchou de Triple H. Allez, on va enchaîner sur la Battle Royale des filles, la WrestleMania Women Battle Royale, qui est le trophée immonde. Hein. Et Il est moche dégueulasse. comme c'est pas permis. Hein. On dirait en fait, c'est les petits jouets, les accessoires que tu as parfois dans des Playmobil. Ouais. Peut-être tu as des coupes, des vases, des machins, des seaux. Et Des sous. tu le grandis, tu le portes en or et tu le grandis fois 50. Et ça te donne Voilà. cette merde. Non, vraiment, le trophée est moche. Hein. Il ressemble à Horrible. rien, quoi. Il ressemble à rien, ou alors les coupes des appareils génitaux féminins que vous avez dans vos livres de sciences physiques. Ah, c'est ça la référence, ok. C'est la pression. Enfin, c'est d'un mauvais goût achevé. Il y avait beaucoup de gonzesses NXT dans cette Oui. Battle Royale. Il y avait Dakota Kai. Qui c'est qu'on avait Peyton Royce Peyton qui était Royce. là. L'Indienne dont je ne me souviens plus du nom. la brésilienne Taynara Conti, je crois qu'elle s'appelle. Oui, c'est ça, Taynara Conti, ouais. Pas forcément des filles qui ont brillé à NXT, bizarrement, mais qui étaient dans le Mae Young classique. T'as quand même Kairi Sane, quand même. Il y a Kairi Sane. Et Peyton Royce, hein, c'est pour moi les deux. Peyton Royce, ça c'est le haut niveau. C'est ça. Ouais, mais Taynara Conti ou l'Indienne, là on les a pas trop vues. Kavita Devi nous rappelle. Kavita Guillaume. Devi. Merci. Voilà, bien joué. D'ailleurs, elle forme un clan, hein. Oui. Pendant le match, elles vont essayer un peu de nettoyer le ring. Elles lancent des chants NXT, mais bon, elles finissent quand même par se faire éliminer. Il y a nos amis du Riot Squad qui réussissent eux à prendre l'avantage et rester dans les derniers, avec aussi Bayley et Sasha Banks. Bayley et Sasha Banks finissent par faire le ménage. Elles se retrouvent toutes les deux au milieu du ring. Elles sont contentes, elles sont redevenues amies jusqu'à la trahison de Bayley qui attrape Sasha Banks et la fait passer par-dessus la troisième corde. C'est la victoire de Bayley. La foule est en liesse, mais la musique ne retentit pas. Et oui, il restait une personne cachée, Naomi, qui était bizarrement restée en dehors du ring depuis un bon moment, visiblement sonnée. Voilà, elle revient dans le ring, elle surprend Bayley avec le rear view, elle la fait passer par-dessus la troisième corde, et c'est Naomi qui sera la grande gagnante de cette first ever WrestleMania Women Battle Royale. Je pense qu'ils auraient pu s'arrêter à la victoire de Bayley. Naomi, les gens étaient contents, mais j'ai l'impression qu'ils avaient réussi à réhabiliter Bayley en une soirée avec cette victoire, et que malheureusement ils l'ont enterré à nouveau en 30 secondes quoi. Sinon c'était moche, hein, cette battle royale. Non, c'était vraiment pas intéressant, hein, c'est clair. Hein, c'était voilà. En plus, tout le début était dégueulasse, où c'était vraiment genre elles se liguent les unes après les autres toutes contre une personne. Du coup, ça fait vraiment clan de pain bêche, etc. C'était pas, on va dire, une heure glorieuse pour le catch féminin et la Woman Revolution. Hein, ça a rien révolutionné du tout. Très dispensable comme match. Vraiment, là aussi, on se dit que c'était pour mettre sur la carte de WrestleMania toutes celles qui ne seraient pas dans des matchs. Hein. C'est dommage pour Bayley, occasion manquée. Hein. Beaucoup de gens ont voyé Becky Lynch gagner. Comme visiblement. Guillaume Becky Lynch a été viré comme une merde. Voilà, c'est exactement ce que dit effectivement Guillaume. On ne sort pas Becky comme une merde. Match abominable. Richard Swing, que Naomi a déjà eu son moment à WrestleMania 33, qu'elle a eu un règne de 5 mois qui était assez mauvais. Donc finalement, c'est quoi le payoff de faire gagner Naomi alors que, comme tu le disais, on reste sur la victoire de Bayley. Au moins, ça revampe un peu sa cote de popularité et ça sert aussi d'une storyline en cours contre Sasha. Exactement. Becky Lynch aussi aurait pu être une gagnante intéressante. C'était zéro sur toute la ligne, cette histoire de Battle Royale. Du début à la fin, quand ça veut pas, ça veut pas. Non. Allez, on va passer aux choses sérieuses. La vraie carte, hein, après 2 heures de show, on commence les choses sérieuses. Et on démarre avec le championnat intercontinental, pas n'importe quoi pour ouvrir le show. Le Triple Threat. Le champion The Miz défend son titre, triple frit pour The Miz qui défend son titre contre le Demon King du Baylor Gay Club, Finn Baylor, et Seth Rollins, le Kingslayer, l'architecte, Monday Night Rollins. Là, c'est le White Walker ce soir. Hein. Rollins, il avait des lentilles de couleur bleu acier, un costume un peu armure et un visuel qui font référence au White Walker, les marcheurs blancs de Game of Thrones. Alors, est-ce qu'on peut être plus ringard que ça? Je ne sais pas. Tu te rappelles l'année dernière déjà? Tu te rappelles l'année dernière son costume à Rollins? C'était les flammes en mode Kingslayer avec la flamme et son armure avec un peu des espèces de mailles dorées. C'est compliqué. De toute façon, moi je regardais ça avec 4 autres personnes, notamment ma copine qui regarde en tant que catch avec moi, deux potes, un mec et une fille qui regardent jamais le catch, et une pote, une fille qui n'a pas regardé depuis 7-8 ans. Et tous me disaient quand même, faisaient des réflexions beaucoup sur les costumes des gens, et je leur disais que WrestleMania, c'est pas le soir où visuellement les catcheurs et les catcheuses sont le mieux habillés. Il y avait vraiment des tenues qui étaient. Fait pas dans la sobriété, on le verra avec Nia Jax. Non. C'est difficile quand même. voilà, donc le truc. Alors, Baylor Club, Finn Baylor, il vient avec l'arc-en-ciel gay friendly. C'est sympa. Ouais. Et beaucoup de monde avec lui, hein, qui avait le t-shirt. Ah oui, il avait tout Baylor un club. J'ai pas trop compris pourquoi, mais c'est bien. Donc bah ça se fout sur la gueule. Le Miz qui n'utilise plus l'arsenal du coup de Daniel Bryan, hein, je crois. Non. Il a un peu joué babyface parce qu'il a viré le mistourage avant de rentrer dans le ring. Hein. Il a dit j'y vais seul. On va régler ça seul parce que c'est un homme nouveau, hein, vu qu'il a il est papa maintenant de Monroe Sky, sa petite fille. Oui. Et finalement, on va aller au fait. C'est Seth Rollins qui prend la victoire sur un curbstomb des familles sur le Miz. Après, a réussi à se débarrasser de Finn Balor. Et donc, Seth Rollins est notre nouveau champion intercontinental. Il fait tournoyer sa ceinture là au-dessus de sa tête pour célébrer la victoire après un match qui était très, très percutant, très solide, très fun. Mmh. Rien de bien nouveau par rapport à ce qu'ils nous ont présenté dans les weekly ces dernières semaines. On va dire qu'on était au top niveau de ce que peut produire The Miz, je pense, en termes de spectacle. Ouais. On aurait peut-être pu avoir un truc un peu plus spectaculaire si on avait eu Baylor et Rollins en 1 contre 1, mais c'était très très bon quand même. Hein. Ouais, non, c'était cool. C'était cool, un bon opener. On a du talent dans le ring, on a une ceinture et pas la moindre qui est là. Voilà, puis en plus. C'était un des matchs que j'attendais. Alors moi, je pensais que c'était peut-être un show stealer en termes de catch et workrate de la soirée. Non, on attendait le show stealer. Hein. Voilà. C'était peut-être pas ça. Ce moment, je me suis dit, ok, c'était cool, mais c'était pas le show stealer. Puis à la fin de ce mania, je me suis dit, ah, peut-être que si, en fait, c'était le show stealer. Ouais. C'était quoi le bon match qu'on avait vu il y a 3 heures? Okay. Mais voilà, c'était bien raconté parce qu'en fait, encore une fois, j'avais des gens qui regardaient avec moi, au moins 3 personnes qui regardent pas du tout ou qui regardaient pas depuis longtemps et ils ont compris la storyline, qui était qui, c'était quoi, enfin, les rôles entre guillemets, entre les 3, la dynamique, etc. C'était assez lisible, la storyline passait bien, même pour des non-néophytes, il y avait des spots qui étaient spectaculaires donc, et qui marchaient bien. Il y avait un rythme qui était bon dans le match donc. C'est ça. Bonne précision. 15 minutes 30 ouais. Le match. Ça suffisait pour un opener. Hein, pas ouais. Trop donné d'un par, coup. Par contre, oui, la tenue du Miz, hein, on discute tenue sur le chat avec Guillaume Richard. Oui. La tenue du Miz, elle était un peu. On dirait Elton John avec ses lunettes. On dirait Elton John, croisé avec Naruto, avec son ouais. Bandeau. Du coup, ça fait un mix qui est vraiment chelou. Je sais pas ce qui s'est passé. Généralement, le Miz a des costumes qui sont extravagants mais pas trop moches. Mais là, il y a eu un problème. C'est ça, ouais. Pas du meilleur goût, mais bon, et efficace. Il a engagé le même couturier que celui qui a fait la dernière tenue de Kenny Omega pour Wrestle Kingdom. C'est ça. C'est ça. Il a une excuse, Kenny Omega. Devait y avoir c'est un film. Lien. C'est ça le lien. Merde. Sur ce truc qu'ils ont jamais fait. Je vous ai mentionné que John Cena était dans le public au premier rang. C'est vrai. Il a siroté sa bière. Hey. Il est là depuis le début, depuis le kick-off. Le pauvre, il n'a pas le match, hein, je vous rappelle, parce que l'Undertaker ne viendra pas ce soir. Donc, il sirote joyeusement sa bibine en regardant les matchs, hein, qui sont, pour l'instant, fort distrayants. Et on va attaquer du lourd là maintenant, puisqu'on a le championnat féminin qui va se disputer, hein, après le championnat intercontinental. On passe au championnat majeur des filles, le championnat de SmackDown. Charlotte défend son titre contre Asuka. Asuka, je vous rappelle, qui est invaincue depuis une bonne dizaine d'années maintenant. ça va être le championnat de tous les challenges. Et forcément, on a du gros spectacle. Ça va être bien stiff, bien bourrin. Asuka toujours au rendez-vous dans les grands événements. Charlotte Flair, on n'en parle pas. Ça fait des moonsaults à l'extérieur du ring. Il y a des clés de bras, il y a tout ce que vous voulez, des chops, des satémi qui claquent. Tout le monde est content. C'est très intense, violent. Et à la surprise générale, Asuka se fait piéger dans le figure 8 de Charlotte et elle est obligée d'abandonner, même si Charlotte fait sa figure sur un bras parce qu'elle a été blessée. C'est quand même Asuka qui finit par abandonner à la surprise générale. Charlotte conserve son titre. Il y a une belle démonstration de respect de l'une vers l'autre, ouais. Après où Asuka dit j'ai perdu. Charlotte était ready pour Asuka. Congratulations, félicitations. Qu'est-ce que t'as pensé de cette surprise? Déjà, première surprise de la soirée, Asuka qui perd. Tout le monde pensait qu'elle allait conserver. Ouais. le titre, etc. Bien non. Déjà, les deux arrivent, elles sont des intros assez superbes, Ah surtout oui, Charlotte qui a voilà, été sur Charlotte, tout incroyable. en or avec la musique donc de son papa Ric Flair, hein, la nouvelle merveille du monde, sur un trône avec trois légionnaires qui l'accompagnent avant que sa musique normale commence et arrive. Donc déjà, elle transpire la classe, elle est dans la sobriété. Je vais t'abandonner, Ouais. je reviens de suite parce que sinon j'ai plus de batterie dans l'ordi, je viens de voir que j'ai oublié de le Pas brancher. de soucis, je prépare ce match-là Tout de suite. longtemps, vas-y. Ça Donc marche. ouais, Charlotte qui débarque, qui en fait pas des tonnes et ni des caisses, mais ça suffit, elle a un port altier, elle est vraiment dans son rôle de la reine qui dirige en fait, c'était vraiment génial. Et puis Asuka qui arrive avec moins de moyens mis pour son intro, mais juste les couleurs de son kimono, sa musique, sa gestuelle, son masque, etc. Suffit vraiment pour savoir que même si tu connais pas le catch, tu veux avoir un combat entre deux personnes qui sont au top niveau de leur personnage. Et après, bah, le match a été effectivement une démonstration qu'elles sont au top aussi de leur art dans le ring, hein. C'était des moments assez incroyables et fabuleux, si bien que c'était pour les gens qui regardaient ça avec moi, certainement le meilleur match de la soirée, parce que c'était très bien raconté, c'était très bien fait, il y avait de l'intensité, on sentait qu'elles souffraient, elles allaient au-delà de leurs limites. Et voilà, il y avait une aura d'enjeu assez important, la ceinture contre la streak d'Asuka. Et donc, ouais, cette surprise à la fin, Asuka qui perd, la surprise vraiment de la défaite d'Asuka, je ne l'ai pas vu venir, surpris, mais pas déçu pour autant. Donc, c'est de dire que c'est une bonne surprise, dans le sens où elle aurait gagné, j'aurais fait genre, ok, c'était attendu, très beau match, mais c'était attendu, bon, maintenant, qui c'est qu'elle va affronter? Alors que là, on se dit, ça y est. Il y a quelqu'un qui arrive à faire battre Asuka, à la battre, pardon, et surtout à la faire taper, à la faire abandonner, ce qui est pas rien, hein, loin de là. Donc ça donne un truc intéressant, ça veut dire que la cote de Charlotte automatiquement remonte d'un cran, et on se dit, wow, elles vont se recroiser, c'est pas terminé, quoi. Donc du coup, je suis pas du tout déçu de voir la streak d'Asuka terminer, parce qu'à un moment donné, il faut qu'elle se termine, et je pense que sur le Grand Stage, comme WrestleMania, dans un match contre Charlotte Flair, pour la ceinture, clairement, dans peut-être que moi j'estime comme étant le potentiel meilleur match de la soirée, nickel. Vraiment, Ouais, il c'était faut. Après, il faut qu'il y ait quelque chose derrière, il faut que ça continue derrière. Maintenant, c'était peut-être le meilleur endroit, effectivement, pour briser la streak. Bon, ça m'aurait pas dérangé que Asuka gagne, Non. continue encore un peu sur les victoires, mais il aurait bien fallu briser la streak à un moment donné. Et puis ça prouve que voilà, la WWE sait nous surprendre. On verra que ce sera pas la première surprise, enfin la dernière surprise de la soirée. Le match était vraiment très très très très bon, hein. À ce moment-là, on se dit qu'on est peut-être parti pour le meilleur WrestleMania de tous les temps. Oui, bah, on l'arrête à ce moment-là, c'est nickel, on a eu deux très bons C'est matchs. nickel. On Parfait. était bien, tout le monde est content. Mais déjà, petite anicroche à mon goût. On est en train de un peu de comment dire, d'accuser le coup de la défaite de Asuka. Quand la caméra se va dans le public, on est sur John Cena. Un arbitre vient l'interpeller. On dit, il est là, il est là, il est là. Alors John Cena se révèle dans son meilleur acting. Là, oh, qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'y aille. Et hop, il saute par-dessus la barrière. Il court, il traverse. Asuka et Charlotte le regardent. Lui dit, allez, go, vas-y, champion. Apparemment, il se passe quelque chose dans les coulisses. On n'en saura pas plus pour l'instant. Mais en tout cas, John Cena a un peu Mystère. hijacké le moment des filles. C'est pas très sympa, c'est pas très galant. C'est exactement ce que je me suis dit, ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est peut-être pas le bon moment de le faire maintenant, là. Sérieusement? Sérieusement, Après, c'est voilà, pas lui qui petite décide, hein, anicroche, mais. petite faute de goût, c'est sûr. Ah bah c'est pas sa faute, mais il y a un petit problème genre, à mon goût au niveau de l'organisation. Surtout que le match suivant, il se serait bien prêté à cette situation. 13 minutes 5, tiens, le match Charlotte Asuka, et là on part sur 8 minutes 18 de Fatal 4-Way pour United States Championship. Le champion à l'heure actuelle, c'est Randy Orton, et il défend contre le Maharaja des temps modernes, Jinder Mahal, Bobby Roode, le Glorious Bobby Roode, et Rusev. Et ça tombe bien parce que c'est Rusev Day. Rusev qui est accompagné de Aiden English. Jinder Mahal, il a accompagné de Tarsem Singh, ou je sais pas comment il s'appelle, Cinderella Singh. Randy Orton est accompagné de personnes, tout comme Bobby Roode, qui viennent seuls. Bon, Fatal 4-Way classique, hein, plutôt joliment exécuté. C'est un peu Rusev qui fait le gros du spectacle. Randy Orton va aligner quelques RKO à un moment donné là sur tout le monde dans tous les sens. Bobby Roode, bon, un peu transparent quand même dans le match. Jinder Mahal, opportuniste, puisque suite à une intervention de son petit camarade de jeu, il arrive à placer le Calas sur Rousseff qui était en pleine bourre hein, en train d'atomiser tout le monde. Victoire de Jinder Mahal à la surprise générale. Que dire, que faire? Jinder Mahal est notre nouveau champion des États-Unis. 8 minutes 18 tiens, de match. Ouais. Et là, ça fait 4 minutes que ton image est figée. Oh mon dieu, oui. Que se passe-t-il? Moi, je sais pas. Des branches, enfin, des actives et réactives de la webcam sous Skype éventuellement. Donc testons. Voilà. Teste donc ça. Mais sinon, pour ce match, bah, moi concrètement, j'ai pas trouvé ça très très intéressant. Hein. Donc, le public était à fond forcément pour Rusev Day. Hein. Donc ça, c'était. C'était assez magique, mais après le match en lui-même, pas bien passionnant du tout. Bon voilà, c'est ce genre de match compliqué, après deux bons matchs, celui-ci n'a pas grand-chose à nous apporter de nouveau, un changement de ceinture, au moins ce n'est plus Orton qui l'a, parce que je trouve ça chiant que ce soit Orton qui l'a, c'est mal, c'est pas forcément mieux. Bien sûr, comme tout le monde, j'en préférais un Rousseff. Donc voilà, moi j'aurais préféré ça. Pendant ce temps-là, Ringside disparaît, mais Ringside va revenir. Ringside, es-tu là? Donc voilà, est-ce qu'ils n'auraient pas dû donner, je ne sais pas, le titre à Rousseff, faire de ce Rousseff Day? Moi, je pense que oui, parce que ça aurait été quand même très cool. Alors après, on peut toujours dire que ça va faire une bonne road pour Rousseff qui va aller chercher à mal, mais quand même, là, ça aurait été un moment de pop assez ultime. Hein, donc du coup, très très très dommage qu'ils aient pas saisi cette opportunité, cette balle au bon, parce que quand même, ça aurait été quand même très cool. Donc pendant que Ringside nous rejoint, les soucis du technique et du live, donc dans le chat, qu'est-ce qu'on nous dit? Guillaume dit que ben, Randy Orton est accompagné hein, par les voix dans sa tête, effectivement, bien vu, il est toujours accompagné Randy Orton. Et donc Richard qui nous dit, voilà, qui parle de SmackDown, qu'est-ce qui s'est passé à SmackDown? Eh bien effectivement, ne spoil pas, merci, puisque donc pour SmackDown, comme d'habitude, ce seront nos deux troublions, Giscal et Irem, qui nous feront normalement le supplément SmackDown jeudi midi ou vendredi midi, tout dépend de quand est-ce qu'ils reviennent. Voilà, voilà. Alors comme Ringside est toujours off, eh bien je vais continuer la carte comme un gros port tout seul de WrestleMania, hein, le temps qu'ils nous rejoignent, il n'y a pas de problème. Donc le match... Ensuite, eh bien, du coup, c'était ce match Triple H chez Stephanie McMahon contre Kurt Angle et Ronda Rousey. Ah, je rentends du son. Ringside, es-tu là? Oui, tu es de retour. Mais je ne t'entends pas. Tu es bien là, mais on ne t'entend pas. Donc, du coup, le temps que tu rétablisses ton son, je vais continuer donc en parlant de ce match Triple H, Stephanie McMahon contre Kurt Angle et Ronda Rousey. Donc, un match de gala, hein, puisqu'on a Stephanie McMahon qui ne catch que ultra rarement, Triple H qui catch une à deux fois dans l'année, Kurt Angle qui a catché que depuis récemment dans The Ring de la WWE, et bien sûr, eh bien, le premier match à la WWE de Ronda Rousey. Donc, elle débarque avec son t-shirt, bien sûr, hommage à Roddy Piper, le blouson de Roddy Piper et aussi un petit kilt rouge, hein, très mini, hein, puisque celui de Roddy Piper, heureusement. Donc voilà, donc, tout est en place pour ce match qui ramène beaucoup, beaucoup de projecteurs, forcément sur la WWE, beaucoup d'attention des médias mainstream, comme on dit. Et ce qui se passe, c'est qu'on a aussi Dana White, hein, le président de l'UFC, qui est dans le public. Donc bref, beaucoup de spotlight sur ce match. Donc forcément, le ring, tout ce qui va être le catch, ce sera plus entre Triple H et Kurt Angle que entre les dames, même si on a eu de très très très chouettes trucs de leur part. Ronda Rousey, c'était la grande question, qu'est-ce qu'elle va donner dans le ring? Personnellement, j'ai trouvé, à l'avis des gens, encore une fois, qui regardaient Mania avec moi, qu'elle s'était très, très, très, très bien débrouillée. Certes, elle n'a pas fait voilà, on l'a pas vu faire des moonsaults, ce genre de choses. C'est pas de toute façon le personnage. C'est pas de toute manière ce qu'elle a le plus à mettre en avant. Mais elle était ultra violente. Elle a donné des coups qui étaient legit. Voilà, c'est ce qu'elle donne, ce qu'elle amène à la WWE. Elle donne des coups, donc oui, ringside, on te voit, mais on ne t'entend pas toujours. Ah, Ah parce si, que j'avais c'est pas bon. branché mon micro. C'est Je l'avais le éteint. micro. Ah, putain, Kong. Putain, Kong, alors qu'est-ce que tu peux être très en air, hein? Donc du coup, j'ai Là avancé, là. hein, on est en train de parler du match Ronda Rousey, Kurt Angle Non, t'as contre... commencé sans moi, Bah oui, punaise. attends, je vais pas t'attendre 10 minutes non plus, hein, quand Bah, même. c'est sûr, hein. Tu, attends, On a des choses à faire après aussi. Mais tu m'as lancé sur le match mal, enfin Ouais, le je t'ai US laissé en Open. trait sur le prix de match. J'ai essayé de parler seul, mais j'ai pas pu parler plus de 2 minutes dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Donc du coup, je Ouais, commençais juste ok. à mettre le setting pour le match de gala. Sincèrement désolé, hein. Tout Ah ça c'est de mais. la faute de Skype qui est un logiciel de merde. Oh. Non, c'est on les adore. Donc Skype, voilà. on vous aime. Bisous, Skype. Alors, ouais, Et. sympa, Ronda Rousey. Ouais, T'en es où? je disais juste qu'en fait, voilà, la vraie question c'était qu'est-ce que Ronda Rousey donnait en ring? Je disais que bah, ses coups étaient legit, il y avait une violence, un côté vindicatif qui se dégageait d'elle. Certes, elle faisait pas des trucs athlétiques et C'est gymnastes, mais c'est ça. pas son personnage, c'est pas son rôle. Et vraiment, le Elle sait moment. rien faire, mais elle le fait très bien. Bah, le moment où elle cale Triple H dans le coin, quand à un moment donné, forcément, hein, elle essaie de taunter Triple H pour que lui et elle soient dans le ring, et qu'elle lui assène une pluie de coups. Triple H, il est comme ça en essayant genre de les parer sans y arriver, mais je pense que même s'il avait essayé réellement de les parer, il n'aurait pas pu. Ouais, C'est non, ce moment-là. ça c'était joli, hein. Ça c'était Ouais. original et tout ce qu'il faut. Après, c'est sur les prises en elles-mêmes que Ouais. j'ai un gros doute. Je sais pas à chaque fois ce qu'elle essaye de faire, mais Oui. non, mais elle a l'acting, elle sait se C'est positionner, ça. elle a un jeu facial qui est assez efficace. Elle est legit, elle a le star power. Voilà, ils vont travailler tout ça. En plus, ça se voit qu'ils avaient bossé le truc. C'était hyper scénarisé comme il faut. C'est ça, le 20 moment où minutes 40, là, quand même, c'est vrai. Triple H met un pedigree à Angle et fait le compte et Rousey qui débarque pour casser le tombé, forcément le public érupte à ce moment-là, hein, c'était vraiment très très bien fait. Et puis à la fin, ben, c'est Ronda Rousey qui a Stéphanie dans une soumission, hein, donc un cross-arm breaker. Stéphanie qui commence à crier tout ce qu'elle peut, qu'elle est désolée. Et Ronda Rousey qui la regarde et qui lui dit un truc, on sait pas ce qu'elle lui dit, mais genre, bah. S'il te plaît. Tant pis, hein, pas de bol. Et là, qui plie le bras un peu comme ça, la claque d'un coup. Et à Stéphanie qui abandonne directement. Et là, c'était très bien fait, puisque j'avais deux personnes dans les gens qui regardaient avec moi qui étaient légitimement choquées, qui avaient vraiment l'impression qu'elle venait se faire péter le bras. Donc, quand les moments comme ça dans le catch, ou même si tu sais intellectuellement que c'est faux, mais tu dis putain, il y a eu un accident, là, il y a quelqu'un qui vient se faire plier le bras en deux, c'est quand même c'est que c'est bien fait. Même si nous, derrière, on Ouais, sait que machin. Mais là, pour le public plus mainstream, on va dire, moins analyser les choses et regarder de près, ça marchait très bien. là on était dans le gros spectacle, on n'était pas dans le work rate, on n'était pas dans ce qu'on a vu à NXT, on est dans le gros spectacle, les paillettes, le star power, les grosses ficelles, mais c'est ce que sait faire la WWE aussi. Et ça, voilà, c'est le spectacle qu'on verra qu'à WrestleMania. Ça, vous ne verrez pas autre part que ça. Enfin, que là, pardon. Donc, moi, j'étais plutôt satisfait de tout ça. Hein. J'avais de grosses craintes sur le match, mais au final, Triple H, Kurt Angle, ils savent toujours faire le taf. Stephanie McMahon, quand il faut se lever le cul, elle se lève le cul. On a une nouvelle ère là qui va commencer avec Ronda Rousey en notre top star. On reverra Raw quand on analysera ça plus tard. Mais non, c'est plutôt une réussite tout ça, hein, au final. On est dans l'entertainment pur et dur. Et puis bah, on est bien là à WrestleMania à ce moment-là. On avance. Allez, bah oui. Allez, le championnat tag team de SmackDown, et c'est là la première grosse erreur, la première grosse Les déception. pancakes, Les hein, tu Blue. veux dire? Les Les nains. frères Mark, Les les nains. nains, oh là là, mon Dieu. Oh mon Les Dieu. entrées, et oui, une entrée horrible du New Day qui débarque avec des nains déguisés en pancakes. Non, mais rien qu'à le dire déjà, j'ai la honte. Alors ils dansent, ils font les verres et tout, ça distribue des pancakes dans le public, c'est dégueulasse. Voilà, le New Day, dans ses œuvres, le total mauvais goût. Derrière, les Ouzo arrivent, alors ils ont même pas le droit de faire une petite séquence au micro pour nous placer un petit flow hargneux dont ils ont le secret. Lockdown! Non. Voilà, et ensuite les frères Marteau, les Blue Jones Brothers qui débarquent, Harper et Rowan. Le match est bouclé en 5 minutes 50. Il se passe à peu près rien à part des gros bumps des Blue Jones Brothers qui sont dominateurs au possible. Une grosse powerbomb depuis le coin du ring par les frères Marteau sur, je sais plus, un des Ouzo ou un mec du New Day. Il y a aussi Xavier Woods qui se fait tabasser à l'extérieur du ring aussi à un moment donné. Tout ça va très vite, on n'a pas le temps de s'intéresser à tout ça. On cligne de l'œil, les Blue Jones Brothers sont les nouveaux champions dans l'indifférence générale. Voilà, grosse déception ce match hein, quand même. Ah non, c'était pas content du tout pour le... Premier match des Ouzo à WrestleMania. C'est ça, exactement, c'est ça, voilà. Les Ouzo, ce qu'ils ont fait de fabuleux dans cette réinvention d'un personnage et pour la Tag Team Division à SmackDown, leur WrestleMania match, c'est ça, 5 minutes après un match qui a pompé un peu toute l'énergie du public, Ronda Rousey, tout le spotlight, perdre comme ça, même si c'est le New Day qui prend le tombé, mais perdre comme ça contre les Belgian Brothers, c'était moche, franchement, voilà. Très moche. Surtout qu'il y a tellement à faire avec les Ouzo qui sont voilà, on a une belle équipe de babyface badass qui a du charisme, qui fait le spectacle, qui sont bons au micro. Et voilà, on les fait quasiment se faire squasher comme ça face aux Blue Jones Brothers qui sont sympathiques, mais il va pas se passer grand chose avec les Blue Jones Brothers derrière, ils sont ringards déjà. C'est triste. C'était de la déception. La déception complète. 5 minutes 50 de déception. Et ensuite, c'est le grand moment. John Cena revient dans le ring. C'est parti. Pareil que l'Undertaker est dans les coulisses. Donc c'est parti. Il est venu avec sa tenue de combat, John. Il lance le défi. Undertaker, ramène-toi. Les lumières se coupent. C'est parti. Mais non, c'est un petit morceau de guitare qui retentit. Ilias est dans la place, c'est Ilias qui vient en fait nous chanter une chanson. Il dit écoute Big John, c'est plus ton moment, c'est mon moment. Tu te mets sur le côté, tu vas dans le public comme tous ces losers. Il chante sa chanson, il se moque un peu trop de la ville. John Cena s'énerve, il monte sur le ring, il explose Ilias. Donc on n'aura pas eu l'Undertaker contre John Cena, mais bien un squash de Ilias par John Cena. Bon, Ilias qui fonctionne toujours à merveille hein, avec le public. Tout le monde était content de venir c'est l'insulter. C'est bien qu'il ait eu son moment de micro et de chanson, entre guillemets, de show. C'est ça. Et donc John Cena repart, et alors que sa musique était en train de jouer, sa musique s'arrête. Il est perplexe, meilleur acting de tous les temps. Et là, les lumières se coupent. Et là, c'est bien le gong qui retentit. Et c'est l'entrée de l'Undertaker. L'ancrer en grande pompe. Hein. On a lancé les fumigènes. Il est bien dans son costume d'Undertaker. Alors, il se passe un petit truc mystique. Hein, c'est-à-dire que les lumières se rallument sur le ring où on voit le costume du Taker qui avait été abandonné l'année dernière à WrestleMania. Hein, la veste, les gants, le chapeau. Et là, il y a un effet spécial vraiment magnifique de la foudre qui tombe comme ça au milieu du ring. C'était exceptionnel. D'un bon goût. Ouais, ils ont testé de l'augmenter de reality. Il a été augmenté cette année à Mania. Il y a eu pas mal de jeux 3D comme ça. Ouais. 3D augmenté, c'est comme ça qu'on appelle. Enfin bref, ça nous permet de faire revenir le Taker qui va exploser John Cena. 2 minutes 46, ça va durer le match. Il va rien placer, hein, John Cena. Il va essayer de placer son five knuckle shuffle là, mais ça passera pas hein. Le Taker se relève, tombstone, chokeslam, et c'est fini. 1, 2, 3, Undertaker a gagné. John Cena s'est fait squasher, il aura eu son match, mais ça n'aura pas eu le résultat escompté. Son vrai seul money au moment, c'était de se faire botter le cul par l'Undertaker. Et puis voilà, les gens sont contents, l'Undertaker est revenu pour un petit moment. Sympatoche, on sent qu'il ne pouvait pas sortir beaucoup plus que ça. T'as été convaincu, toi, pour ce retour, ou t'aurais préféré qu'il reste à la maison, le Taker? Bah, moi, je dis de toute façon, depuis qu'on en parle, hein, de ce match, que moi, j'ai pas envie de voir l'Undertaker se casser la hanche dans un match. Là, au moins, il y a le bon goût du fait que ce soit court. Comme on dit sur le chat, on se demande si l'entrée du Taker n'était pas plus longue que le match en lui-même. Mais en même temps, ça aurait été dégueulasse quoi, de le faire laisser plus longtemps, le match. Voilà. Et moi, j'ai trouvé le truc de trop. Même si je comprends que tu as envie de le voir et que, bon, bah, même si tu fais quelque chose comme ça, voilà. Je trouve vraiment le truc de trop, c'est les commentateurs qui disaient oui, je n'ai pas vu l'Undertaker aussi en forme, aussi véloce que maintenant, depuis des années. Non, les gars, rajoutez pas. Non, arrêtez, ça marche pas là. C'est de l'ironie mal placée. Je sais pas, c'est too much. Mais après, voilà, c'est comme ça, c'est bien. Il faut que Cena, de toute façon, accepte de se coucher pour mettre over des nouveaux talents, quoi. Je veux dire, ouais, exactement. une fois qu'il enterre pas à nouveau, c'est ça, c'est le bon résultat. Il va lui en vouloir. Hein. C'est ça, là, l'avenir est open là, pour cet Undertaker. Ah ouais. Il y a du potentiel chez ce mec-là. Hein. Hâte de le voir dans un match à l'échelle pour Money in the Bank l'année prochaine. Ah oui, l'Undertaker avec la mallette. Le temps qu'il arrive au ring de son pour encaisser, c'est bon, le mec il a récupéré, il est en forme. C'est moche, on se moque d'un vieux là. Non. Bref, voilà. Je pense que ça a dû être une expérience de fou. Je pense que du point de vue de nos potos, Hank, Irem et Giscard, qui étaient à New Orleans dans l'arène, de voir l'Undertaker et de voir même 5 minutes d'un match contre John Cena, bah, je pense qu'ils ont dû vivre un moment de dingue. Après, pour nous, en termes de la logique, la carte et en termes de regarder un show à la télé, ça apportait strictement rien. Quoi. Le seul moment intéressant qui a bien fait rigoler mes potes, c'est le moment où Cena pense avoir le match en contrôle et l'Undertaker d'un coup se relève comme ça. Voilà. Et Cena qui fait genre. Qui fait le mec qui a peur en trébuchant, ce moment-là était fun. Hein. Mais à part ça, après, bon, voilà, c'est super dispensable, quoi, c'est clair. En tout cas, ouais, c'est quand même marrant de voir Cena venir se faire squasher à WrestleMania. Ouais, mais contre le Taker. Contre le Taker. Contre le Taker, c'est un bon moment peut-être pour pouvoir aussi faire une pause dans sa carrière à Cena, dire ok, j'ai tout losé, le Royal Rumble, Elimination Chamber, tous les matchs de pay-per-view et mon truc à WrestleMania. Donc voilà, je me remets en question et on verra bien. Et là, il prend une pause longue pour se donner à 100% à Hollywood, parce que c'est ce qu'il faut pour Cena, quoi. Voilà. Bon ben bah voilà, c'est le retour du Undertaker, hein, qui n'est pas mort et qui est toujours là et qui prendra sûrement jamais sa retraite, hein, Undertaker. Un match par an, ça va, tranquille. Allez, on enchaîne sur la plus grosse histoire de cette route vers Mania. Shane McMahon et le revenant Daniel Bryan, notre héros à tous, qui est de retour pour son premier match depuis 3 ans. Affronte les deux pires bâtards du roster de SmackDown, Kevin Owens et Sami Zayn. En jeu, le retour de la team Kevin Owens et Sami Zayn dans SmackDown, hein, ils récupèrent leur place parce qu'ils ont été virés. Je crois que c'est un match non sanctionné du coup aussi, ça, non? Et donc ça démarre très fort puisque Kevin Owens explose Daniel Bryan sur le tablier du ring avec une powerbomb. Les secours arrivent, on va ramener Daniel Bryan en civière, hein. Bon, c'est un retour expéditif. Shane O'Mac se retrouve tout seul à affronter Kevin Owens et Sami Zayn. Il envoie ses fameux coups de poing à répétition, il se défend comme il peut, il arrive à placer le coast to coast. Mais Kevin Owens et Sami Zayn, c'est pas n'importe qui. Ils vont s'acharner sur le pauvre Shane O'Mac, qui se sent bien seul jusqu'à ce qu'il réussisse. Il est placé pour le tomber, mais le tomber est cassé par l'arrivée in extremis de Daniel Bryan, qui finalement s'est relevé. Il sera pas envoyé à l'infirmerie, il revient dans le match. L'autre tag se fait un peu plus tard, et c'est parti pour le déroulé de Daniel Bryan. Bah, il va gagner le match. Alors j'ai un petit trou noir sur le finish. Je pense qu'il fait taper. Zayn, hein. C'est Zayn qui tape dans le Yes C'est Lock. Zayn qui tape ouais. avec le Yes Lock. Exactement. Voilà, victoire évidemment de Daniel Bryan. Ça, bon, c'était difficile de faire autrement. Ça aurait été bien idiot de le faire perdre. Dans un match où on a eu quand même beaucoup un long moment avec Shane McMahon. Ouais. Pour mener un out tag de Daniel Bryan. Maintenant, vu que ça faisait 3 ans qu'on attendait le retour de Daniel Bryan, est-ce que c'était judicieux de nous faire patienter encore un petit peu avec un Shane O'Mac qui était en piteux état quand même, hein, parce qu'il a ce problème de hernie, de diverticulite, etc. Il n'était pas en très très grande forme. Shane O'Mac, c'est pas sa meilleure performance, déjà que c'est pas un catcher à la base. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah encore une fois, de mon point de vue, bon, très content de voir Bryan revenir dans le ring. Il avait l'air d'être, voilà, quand il arrive, qu'il fait son yes, etc. Enfin, tu le sens, il y a vraiment une feel good story dans ça, quoi. C'est son premier match depuis 3 ans, il se bat pour ça, c'est à WrestleMania, il est heureux le gars et t'es content pour lui, quoi. Donc ça c'est un bon moment. L'arrivée en filouterie de Zayn et Owen c'était parfait. Hein. Encore les deux là qui jouent la partition du heel basique mais efficace. Le match en lui-même n'était pas ouf. Content de revoir Bryan, il n'a pas perdu grand-chose hein, de ce qu'on a vu ce soir en tout cas. Il sait faire sous enchaînement. On voit maintenant ses corner drop kick modifiés où maintenant il se rattrape à la corde pour plus retomber par terre afin de soulager un peu, bah, j'imagine, les chocs au niveau de la nuque. Donc on voit hein, sur le bras il avait une superbe cicatrice rouge là. Des cordes qui s'est pris plusieurs fois, donc ça met le stress physique sur un autre point que sa nuque. Donc on ne sait pas s'il sera à capacité de pouvoir catcher régulièrement, mais sans spoiler, bah, à SmackDown il catch hein, là, cette semaine, donc du coup ça va pas être juste un match tous les 3 mois, loin de là. Donc il est bel et bien de retour, ça c'est cool. Le match en lui-même ouais, limité par rapport à Shane O'Mac et tout ça, mais encore une fois l'histoire était pas mal racontée dans le match. Parce que je vois, mais encore une fois, les potes qui étaient avec moi pour regarder ça, que ce soit les mecs ou les filles, ont très vite compris que bah, qui étaient les gentils et les méchants ont très vite été désolés et navrés de comprendre que ce mec qui pendant 3 ans s'est battu pour revenir allait peut-être se voir enlever son match à WrestleMania et embarqué par les ambulances. Ils étaient dégoûtés pour lui. Voir que son partenaire qui restait chez Nomax semblait se tenir le ventre, bah, du coup, comprenant qu'il y a eu des opérations récemment, vraiment, ça a capitalisé une sympathie immédiate pour Bryan et Shane, et ça crée une antipathie, une haine immédiate aussi viscérale pour Zayn et Owens. Donc du coup, en termes de storyline sur le public, ça a vachement bien marché, vraiment. Je trouve que c'était efficace, et à la fin, bah, il revient, il gagne, feel good moment, parfait. Tu sais très bien que c'était pas le match de la soirée en termes de catch. Tu sais très bien que le résultat c'était celui-ci à l'avance, mais par rapport à ce que ça raconte, ça marche. Et enfin, on a le payoff terminé et fini voilà. de cette storyline qui a duré 4-5 mois sur SmackDown et qui était pénible sur le long cours, quoi. Donc, C'est ça. Bon, là, à ce moment-là, on souffre quand même de la longueur du show. Hein, ah ouais. C'est sympa, on est content, mais. Le public aussi, hein. On va pas bondir, ouais. Le public aussi, parce que là, ça fait je sais pas combien de temps que ça dure, mais ça fait déjà. Ouais, ils sont pris 2 heures de pré-show, plus là, on doit bien être à 3 heures de main show, ça fait 5 heures déjà, tu vois. Donc. Ouais. Et donc là, c'est là qu'on sort l'artillerie lourde, puisque Nia Jax affronte Alexa Bliss pour le championnat ah, de monde. C'est moche que tu fais, c'est moche. J'ai même pas fait exprès. C'est simplement que pour moi, c'est la pire histoire de cette ouais. Road to Mania, là, cette rivalité entre Nia Jax et Alexa Bliss. Nia Jax, elle arrive avec un costume affreux, là, on dirait Maya l'abeille, mais mélangé avec une majorette, là, ça va pas du tout. Alexa Bliss, elle vient avec Mickie James, on sait pas pourquoi. Moi, je pensais vraiment qu'ils allaient torcher ça en 2 minutes. Ça dure 10 minutes 48 de match approximatif avec Alexa Bliss qui va travailler mollement la jambe de Nia Jax. Tout ça pour se faire exploser de la deuxième corde sur un someone drop dégueulasse. Voilà, victoire de Nia Jax. Les gens étaient contents. Par contre, grosse pop pour Nia Jax. On verra... Ah ouais. Arrow que bah, ça a bien fonctionné finalement, toute cette histoire qui était quand même horrible à mon goût. Bah oui, horrible, mais elle devient atroce si tu fais perdre Jax, mais si tu la fais gagner, elle devient un peu valeur morale, entre guillemets, de bon exemple, quoi, là aussi. Donc, c'est pas faux. Je pense que les Américains le voient comme ça, quoi. C'est possible. C'est possible, je sais pas pourquoi ils ont la sympathie pour Nia Jax, mais bon. Voilà, c'était pas bon. Enfin, moi, j'ai pas aimé du tout. Je sais pas ce que t'en penses, mais non, c'était pas ça, très bon. C'était vraiment pénible. Hein. Voilà, on va avancer. AJ Styles, le Dream Match du champion de la WWE contre Shinsuke Nakamura. Souvenez-vous, ils se sont affrontés au Japon, au Wrestle Kingdom, et c'est la revanche cette année. C'était génial, c'était un match de l'année. Ouais. Voilà, on va l'avoir notre Dream Match. 20 minutes 24, ça dure. AJ Styles gagne sur Styles Clash. Shinsuke Nakamura a le droit de dérouler un petit peu son catch un peu plus que d'habitude. Mais alors, ça décolle pas vraiment. Hein, au final, ça arrive trop tard, je pense. Les gens ont plus peut-être envie de voir un match où finalement ils vont quand même pas lâcher les chevaux plus que ça. Il n'y a rien d'exceptionnel, hormis des prises qui sont vraiment bien exécutées. Il y a des beaux strikes de Nakamura. Ce qui est intéressant, j'ai trouvé quand même, c'est le heel turn de Nakamura à la fin. Ouais. Hein, c'est-à-dire que c'est l'heure du respect. Hein. On va se féliciter de la victoire de AJ Styles. Il pose un genou à terre, même Nakamura. Il présente la ceinture. Et là, il place un magnifique low blow, un coup bas dans les services trois pièces d'AJ Styles. Et après, il va le tanner la nuque là, à coup de pied. Comme une merde en l'insultant, et il le vire du ring, et puis il va se casser comme un prince. Shinsuke Nakamura, qui est donc passé du côté obscur, ce sale japonais, pendant que AJ Styles gît à terre. Voilà, vive le Japon. Voilà. Ouais, donc, c'était l'extrême inverse du match Asuka Charlotte. Hein. C'est un match d'un côté pour les filles qui était vraiment bon, qui tient et qui décolle et qui monte en intensité, alors que celui-ci reste pas... Ouais, jamais il prend son envol. Et à la fin, là où Asuka et Charlotte font montre d'une bonne sportivité dans la victoire et la défaite, bah là c'est l'inverse. Hein, Nakamura qui trahit au lieu de respecter. Donc c'est bien que ce soit une différence, que ce soit pas forcément le même miroir, mais j'aurais aimé avoir un beau match quoi quand même. Le heel turn, ok, mais j'aurais aimé avoir un beau match. Là, vraiment, j'étais gêné parce qu'il y a une copine à ce moment-là qui voulait partir parce qu'il était déjà 23h, un truc comme ça. Et je lui fais, non, mais attends, là, c'est Styles Nakamura, c'est le dream match, c'est un truc de malade. Et je hype le match et elle reste. Et je suis là et pendant le match, je fais, bon, ok, ça va décoller, ils ont encore du temps. Bon, ok, puis à un moment, je regarde maman, je fais, putain, ça fait déjà 10 minutes, on est encore là, quoi. Et j'ai un peu déchanté, j'ai fait, bon, écoute, voilà. Ouais. Désolé. Après, j'essaie de justifier ça en disant oui, mais comme là il a trahi, ça veut dire qu'il y aura forcément un volume 2 ou un volume 3. Ils peuvent pas tout envoyer lors du premier match, tu comprends, mais j'y croyais à moitié quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y avait une pression trop forte? Est-ce qu'on les a un peu trop bridés? J'en sais rien, mais en tout cas, pour moi, ça n'a pas marché quoi. Ce match-là n'a pas marché. Je pense simplement que la notion de dream match à la WWE, ça fonctionne pas. À la WWE, faut un scénario derrière, faut de la trahison, faut de la dramaturgie. Si tu dis juste les deux mecs vont s'affronter parce que c'est les deux meilleurs du monde, ça, c'est pas à la WWE que ça fonctionne, parce qu'ils vont pas non plus sortir leur meilleur catch, puisqu'il faut en garder pour le main event derrière. Ouais. On sait très bien que les Ricains, ils veulent pas mettre en avant le strong style, donc il pourra jamais sortir tout ce qui peut sortir Nakamura. Même s'il a été, c'est peut-être son meilleur match, enfin, avec celui de Sami Zayn à l'époque, il a peut-être déroulé plus que d'habitude, c'était quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fun de le regarder là que dans ses autres matchs qu'il a eu jusqu'ici à la WWE, qui étaient tous en vrai assez médiocres. Il faut de la dramaturgie à la WWE, tu peux pas vendre un match sur leur affrontement qu'ils ont eu à la NJPW, hein, c'est tout. C'est, nous, on veut de la dramaturgie à la WWE, sinon, on reste sur un match qui est correct, mais on va pas se relever la nuit sur cet affrontement-là, hein, tout simplement. Hein. Mais on est au milieu du coup d'une rivalité, puisqu'il y a le heel turn de Nakamura qui se fait là, qui va peut-être le rendre plus intéressant. Oui, je pense, c'est clair. Mais on préfère que WrestleMania soit le point culminant d'une rivalité, pas un épisode. C'est ça. Là, je suis très content qu'il y ait eu ce heel turn, clairement. De suite, on l'a vu dans le mimic, la gimmick de Nakamura, ça peut donner un truc intéressant, un peu comme un Roderick Strong qui heel turn la veille à TakeOver. Il était plutôt heel au Japon, hein, son personnage de King Strong Style, c'était plutôt un bâtard. C'était un connard. Hein. Voilà, exactement. Mais il n'empêche quand même que le match pour un WrestleMania, quand est-ce qu'ils vont avoir un WrestleMania les deux, je te dis... c'est dommage quand même que c'est pas. Le match n'est pas mauvais, je dis pas ça, attention. Hein. Mais quand tu as Styles et Nakamura dans le ring, je m'attendais à un truc un peu plus dense, à un moment donné, un peu plus vif, un peu plus rapide. Voilà, j'étais déçu et le match n'a pas marché pour les gens avec qui j'étais non plus. C'était un peu chiant, quoi. C'est là qu'on voit qu'il est temps quand même que Triple H mette un peu son nez là-dedans pour nous booker des matchs façon NXT, quoi. S'ils avaient eu un booking à la NXT, on aurait eu le spectacle qu'on voulait, je pense. Mais là, c'est pas trop le cas, même si Nakamura n'a même jamais trop trop brillé à NXT. Mais bon, là, il y a AJ Styles quand même. Voilà, donc plutôt, on est peut-être un peu plus dans la déception, même si moi, je m'y attendais quand même. Je l'avais mentionné que je voyais plutôt un match du type Finn Balor et AJ Styles. Hein, qualité, mais pas... On n'est pas sur un dream match, quoi, clairement. Avançons. Braun Strowman pour le championnat tag team face à The Bar, Cesaro et Sheamus. Donc Braun Strowman ne fera pas venir de superstar. La surprise, c'est qu'il va prendre quelqu'un du public pour être son partenaire de ce soir. Hein. Je vous rappelle qu'il a gagné un tournoi pour être le first contender à la ceinture tag team alors qu'il est tout seul. Et il choisit Giscal. Non. Giscal, c'est pas passé loin. Ouais. C'est le petit Nicolas. Nicolas. Un petit garçon qui traînait là. Voilà, donc Braun Strowman va gagner hein, en 4 minutes. Il va même avoir un petit tag du petit garçon. Braun Strowman est le nouveau champion avec son petit pote Nicolas. On a bien rigolé, c'était super. Il y a une belle entrée de Cesaro et Sheamus dans un char de carnaval que Braun Strowman a envoyé valdinguer un peu plus tard. Voilà, donc pas d'arrivée mystère. Un petit garçon, on a rigolé, c'était familial. Est-ce que tu craches dessus ou est-ce que tu... Ça t'a pas choqué plus que ça? Je trouvais ça marrant. Alors, c'est marrant. En termes de booking, etc., c'est n'importe quoi, on est d'accord. Enfin, c'est... je suis bon. What the fuck, dans la farce. Mais... ouais, voilà, c'est ça. Tu dis... Ah, sacré Vince. Voilà ce que tu dis. Bonne orientation, Hulk Hogan, pour Braun Strowman quand même. On sent que ça va devenir le... Ouais. Le gros monstre populaire ami des enfants là. Il y a moyen de. Mais moi ça m'a pas fait rager à partir du moment où de toute façon on voyait Braun Strowman qui avait gagné cette espèce de truc pour avoir le match tag team. Bon tu disais ça va être compliqué, qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Bon ben au moins ils y vont à fond dans cette direction que j'aime pas hein, mais qui est une partie de la WWE, du gros show qui est WrestleMania, ce côté familial. Bon ben on est en plein quoi. Ouais, pour en faire un personnage bigger than life de Strowman. Voilà. Maintenant, il faudra quand même lui sortir des gros matchs. C'est hein, de ça, temps en temps, et il va falloir qu'il redresse aussi la division tag team, parce que Guillaume nous fait remarquer justement, c'est un peu une storyline comme on enterre une division. Hein, ça rappelle l'époque où Nash, Kevin Nash, donc, contre les poids plumes, les poids légers, la WCW. Ou la X-Division, la TNA, hein, on avait effectivement des Golgoths qui allaient choper la X-Division, des Samoa Joe, des Bobby Lashley, trucs comme ça, tu fais bon. Et a priori, Richard nous dit que Nicolas, c'est le fils de l'arbitre du match. Ouais, c'est ça, c'est le fils d'un arbitre. Celui qui a arbitré le match en question. Celui qui a... Ouais. D'accord, bien, bien. Ouais, bah oui, hein, ils n'allaient pas prendre n'importe quel gosse, il fallait le briefer quand même. Hein. Ouais. Je t'en prie, ça fonctionne. Hein. Sinon, ils auraient pris n'importe quel gosse, il aurait pleuré au bout de 5 minutes. Il tremblait et tout, c'était... tu croyais, quoi, c'était cool. Non, il a fait un bon acting, le gosse. Ouais. Hein. Ouais. C'est bien, d'accord. Non, beau boulot, mais c'était peut-être pas ce qu'on avait envie de voir. J'ai passé une bonne soirée, mais c'était pas celle-là. Alors, on arrive au main event. Brock Lesnar affronte Roman Reigns, le beau Roman. 3 ans de build là pour cette victoire prévisible de Roman Reigns, qui n'aura pas lieu, hein, puisque c'est bien Brock Lesnar qui gagne le match après un enchaînement de F5, de Spear, de German Suplex, de passage à travers la table. Le public a complètement décroché. Il paraît que c'était la folie du beach volley. On en discutera, je pense, avec les autres. Je pense que c'était il y avait que Giscal qui a regardé le match. Donc, et à la surprise générale, même s'il survit à plusieurs F5, Roman Reigns se fait ouvrir le crâne à coups de poing et de coups de coude par Brock Lesnar et il se prend un ultime F5 dans les dents. Brock Lesnar qui sera relevé de plusieurs spires. Gros match de bourrin et donc victoire surprise, mais alors vraiment surprise générale hein, de Brock Lesnar. Voilà, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah effectivement, surprise pareil, hein, je vais pas faire mon barbeau en disant oui, non, je savais que Brock Lesnar allait gagner. Non, pareil, je n'y revenais pas. Pareil, hein, très surprenant au niveau des potes qui ont quoi, bien compris la dynamique du match, voyaient pas comment, enfin, des surpris que c'était que ce soit Brock Lesnar qui gagne et pas Reigns. Mais voilà, malgré tout, même s'il y avait des moments assez puissants, deux gros powerhouse qui s'affrontent, c'était compliqué parce que je pense que bah, c'était trop long, quoi. 5 heures de show, sans kick-off, hein, juste le show principal, 5 heures, bah. Ouais, c'est long, quoi. Tu vois des mecs s'enchaîner 6 ou 7 fois la même prise. Voilà. Le truc qui a fait bizarrement que ça a été impressionnant, c'était le sang. Reigns a saigné, donc du coup, abondamment sur le visage. Hein, Brock Lesnar qui enlève ses gants de protection et qui lui met 2-3 patates, hein, et lui ouvre le crâne immédiatement. C'était assez impressionnant et violent à voir. Mais hormis ça, voilà. Et même, enfin, au final, qui gagne ou qui perd, en fait. Moi, ça m'a pas. J'ai pas popé, j'ai été surpris, vraiment, mais c'est tout, quoi. Ça m'a pas déclenché quelque chose derrière. Donc, c'est dire à quel point on s'en fout, en fait, de cette ceinture universelle actuellement, à mon niveau. Que ce soit Lesnar qui la garde ou Reigns qui la prenne, tu fais, ouais. Ni l'un ni l'autre m'intéresse vraiment, en fait. Donc, ça, c'est une question personnelle, hein. C'est du choix, de ma sensibilité, quoi, mais. J'ai pas de problème moi avec Brock Lesnar en champion qui vient de temps en temps, qui est part-timer. Ça me dérange pas d'avoir un champion qui vient pas toutes les semaines. Mais par contre là, il va falloir constater l'échec complet de Roman Reigns. Hein. Je le vois mal se relever après cette défaite-là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent en faire de lui après, mais ce sera pas lui the guy. Hein. Après une défaite comme ça, je pense pas qu'il peut revenir en tant que vraiment nouveau John Ah, Cena. Tu vois, ouais, ça dépend parce que quand même Brock Lesnar a souffert dans ce match et le match a été quand même un peu long. Il s'est pris beaucoup de sous dans la gueule. Il a dû mettre 6 F5 et je ne sais pas combien de Ouais, mais suplex. alors quand est-ce qu'il va la gagner la ceinture Roman Reigns? Bah, je sais Au pas. Greatest Royal Rumble, ils ont un match de Ouais. prévu dans la cage. Ouais. S'ils font gagner là Reigns, c'est un peu cheap quoi pour en faire le nouveau Cena, le Ouais, mec a une mais victoire. ça versus la bronca totale qui serait pris à le faire gagner à Mania. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je pense ouais, qu'ils n'ont pas ouais. Bah voulu là, faire ça, du coup, quoi. il s'est pas passé grand-chose. Les gens ont même pas trop réagi. Oui, Hormis. les gens criaient Hormis. This is awful dans l'arène. La seule truc vraiment bien sur la fin de ce match, c'est la gueule de Giscal. La gueule de Giscard, les enfants, allez Oui. sur les highlights Vous voyez à la du fin du Royal match, Rumble. quand Reigns a perdu, vous voyez des gens qui réagissent, genre choqués. Et moi, vous voyez un Giscal comme ça. Il a vraiment cette tête-là, hein, pour avoir fait plusieurs matchs de pay-per-view avec lui et IRM et d'autres potes, des quais du catch et tout. Souvent, quand t'as un face qui perd et c'est un peu imprévu, Giscal a souvent cette tête-là. C'était vraiment celle-ci, quoi. Et comme j'ai popé, je fais putain, mais c'est Giscal, quoi. Qu'est-ce que. Et c'est génial que dans toute la foule, Ouais, il l'ait prédit, quoi. 78 personnes. Je pense que Voilà, c'est une le de speech là-dessus. seul adulte qui avait une expression de stupeur comme celle-ci. Donc du coup, elle a. Mettez-moi celle-là. Ils ont dû le voir venir au fur et à mesure. Garder une caméra sur ce type. Mais ouais, bah, c'était le meilleur moment de ce main event là, hein, cette bonne bouille de Giscal. Il y a eu quelques botches en plus sur des prises là, de Lesnar. Voilà, surprenant, mais pas emballant, hein, j'ai envie de dire. Et voilà, bah, on a fait le tour de ce WrestleMania. On va peut-être jamais le mot de la fin. Tu veux Ouais, mettre une allez, note, je sais pas. rapide pour Mania, mon flop, c'est la longueur du show. C'était beaucoup trop long. Il y a des matchs qu'on aurait zappés. Plutôt que de foutre des Battle Royale dans le pré-show, tu mets d'autres trucs dans le pré-show. Tu mets le match US dans le pré-show, par exemple. Un truc comme ça, quoi. Mon top, ce sera Charlotte Asuka. Impeccable, impérial du début à la fin, génial. Ma note par contre elle va pas être bonne, hein. Je vais dire franchement, je vais dire un 2,5 parce que bon, ok, la moyenne parce que c'est mania, donc j'ai passé une bonne soirée parce qu'il y avait des potes et de la bière. On a passé un bon moment, on a rigolé, on a papoté, mais j'aurais passé les 5 heures voire plus à être pré-show seul devant ma télé, mais oh là. Ouais, moi je vais pas te cacher que je l'ai regardé en plusieurs fois hein, le show. Hein. J'ai pas fait un. En plus, je l'ai mixé avec NXT. Voilà, je suis un peu mal placé pour donner une note globale. Je mettrais quand même 3 parce que bon, je pense qu'effectivement, le gros point noir, ce qui va être le flop pour moi aussi, c'est le temps. la longueur, c'est beaucoup trop long. Tu peux pas, malheureusement, je pense pas que tu peux faire un bon show sur une longueur c'est ça. De ce type. Je pense que ça relève de l'impossible. Et surtout, c'est que c'est nous qui disons ça. On est des personnes qui aimons le catch, qui regardons du catch, qui passons du temps à parler de catch. Donc, du coup, a priori, on est ceux qui sont les moins gênés pour regarder X heures de show. Mais même là, nous, on trouve que c'est trop long, c'est pour dire, quoi. C'est ça. Non, là, il y a vraiment. Le show, il démarre. Les gens sont là déjà depuis 2 heures, quoi. T'as déjà regardé 2 heures de pré-show avant que ça commence. 2 heures, c'est long, hein. Et voilà, même en l'ayant regardé en plusieurs fois sur le Lesnar Reigns, je regardais un petit peu la montre quand même, quoi. Je me suis dit, on arrive au terme ou pas. Voilà, et puis en top, je le donnais à Ilias qui était super cool dans son... Ilias, ok. Voilà, après, c'est pas vraiment le catch qui a fait la différence. Les surprises, c'est pas mal quand même, toutes ces surprises qu'il y a eu tout au long du show. La victoire de Brock Lesnar, quand même, je suis bien content parce que ça cloue bec un peu à tous ceux que j'ai vus sur internet pleurnicher depuis un an que tout est prévu, que tout est écrit, qu'on va vers la victoire de Roman Reigns, blablabla, blablabla. Voilà, Brock Lesnar est toujours le champion, alors c'est pas mieux pour eux parce que c'est les mêmes qui se plaignent que c'est un part-timer qui est champion. Peut-être d'ici 6 mois vous aurez peut-être ce que vous voulez, mais pour l'instant c'est pas le cas. Alors à la limite, allez regarder autre chose, hein, si ça vous plaît pas. Bourratif, mais plein de couleurs, c'est vrai, c'est le mania, j'ai envie de dire, et plus plein de surprises surtout. C'est... Voyons le côté positif. N'oublions pas ce magnifique NXT quand même, qui était quand même exceptionnel. J'ai pas vraiment envie d'enterrer ce WrestleMania, moi, même s'il y avait. C'est la longueur pour moi qui joue vraiment. Ouais. C'est clair. Voilà. Eh ben, très bien. Je crois qu'on a fait le tour. Donc, dans quelques minutes, je pense qu'on va prendre une petite pause, le temps d'aller se chercher à boire du café, etc. Donc, d'ici un quart d'heure ou quoi, on va faire la review du Raw Post-Mania. Donc, ne bougez pas ou revenez sur YouTube pour savoir qu'est-ce qui se passe le lendemain de WrestleMania. Toujours un Raw un peu particulier. Et sinon, pour les autres, n'oubliez pas, si vous avez bien aimé ce qu'on a raconté sur NXT, sur WrestleMania, et que vous voulez savoir ce qui se passe du côté de Catch Up, et bien abonnez-vous sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour avoir une notification, comme ça quand on fait un show vous êtes prévenu. Laissez un pouce, ça nous fait plaisir. On est sur Facebook et Twitter, Catch Up CDC. On est aussi en audio sur PodCloud et iTunes. Et donc, du coup, on vous dit à dans quelques minutes. D'ici là, quand même, Ringside, merci pour cette grosse analyse bien plus digeste que Mania. Merci à tous ceux du chat. On vous dit dans quelques instants pour la suite, à savoir le Raw après Mania. À tout de suite. Ciao, ciao.